Vivacité, ma radio complicité. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Bonjour à tous et bienvenue en ce samedi après-midi. C'est un ensorcelant voyage forestier. Voilà quatre mots qui résument à coup sûr cette étape depuis Vielsalm, le pays de l'oncle Salm, qui nous accueille et qui nous livrera tous ses secrets, ses anecdotes et ses richesses. Tout cet après-midi, on a trois heures pour vivre cela en direct et avec vous surtout. Et en parlant d'oncle Salm, rappelons aussi que nous sommes chaque samedi en famille. Bonjour Adrien. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous. C'est ça un peu le beau vélo de Ravel, c'est une petite balade à vélo entre amis, mais les amis sont nombreux, puis les amis des amis, Olivier, ils sont tous là, ça fait plaisir. Et je vais vous appeler oncle Sam pendant toute la balade, je le sens bien, ça vous va tellement bien Adrien. D'accord, mais c'est mieux qu'oncle Picsou, hein. Je préfère. Écoutez, ici nous sommes au pays de l'accordéon, on en a parlé ce matin dans cuisine, et on a une petite chanson qui va très bien avec le vélo et que nos beaux héros du Ravel vont chanter, vous la connaissez évidemment. Poète, je descends de la montagne en bicyclette. Et ça tombe bien parce qu'on a le ministre René Collin qui a décrété l'année de la bicyclette en Wallonie. Ça fait plaisir, hein, René Collin. Ah, c'est un beau moment parce qu'on voit les gens tellement heureux avec leur vélo. Ici, en plus, il fait beau. Et puis, la région est formidable comme partout en Wallonie. Et le vélo, c'est la meilleure manière de découvrir une région. Et on veut promouvoir la Wallonie de cette manière-là parce que c'est une région bucolique et elle est formidable de convivialité. On pourrait aller à vélo jusqu'à Libramont pour le week-end prochain, participer à la foire dans 6 jours. Évidemment, on y est presque et ça va être un formidable rendez-vous pour toute la ruralité avec des milliers de personnes qui vont venir découvrir une agriculture de proximité, de qualité et puis ce formidable état d'esprit qui colle à la Wallonie, la générosité, le sourire, la fête, même dans des moments difficiles pour l'agriculture. Il faut qu'on soit fiers de nos agriculteurs et on va le montrer encore à Libramont. Et tout à l'heure, on va servir des myrtilles avec des truites, des bons produits du terroir au lac des Doyards. Ce sera à mi-parcours, Olivier. Ah ben oui, à Vielsalm. On va tourner autour de Vielsalm. Et vous parliez de myrtilles. Moi, j'ai déjà la langue un petit peu couleur myrtille parce que j'ai dégusté une délicieuse tarte. Avec BJ Scott Pas avec BJ, mais avec des artisans que vous défendez. BJ, bonjour. Oui, je défends des artisans, les maîtres boulangers pâtissiers de la Wallonie. Je suis très fier. Ça va tellement bien avec la ruralité dont on parlait il y a un instant. Ces maîtres boulangers sont présents avec nous ce matin. Ils le sont et on a déjà bien dégusté. Voilà. En plus, bon, il y a la bière aussi régionale et tout ça, la bière, le pain, c'est Belgique, j'adore. Ça va drôlement bien avec votre côté épicurien, BJ. Yeah, I love it. C'est un des plus beaux sites que j'ai vu, des beaux vélos dans les 15 ans. Vraiment, il y a une ambiance fantastique. Alors, BJ, tant qu'à faire avant de partir, pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui n'ont pas l'image, détaillez un petit peu le paysage qu'on a. Le paysage ici est vallonné, elle est boisée, elle est aussi très ancienne, il y a les pierres de toutes les couleurs, c'est absolument superbe. Et surtout, c'est les visages des Belges qui sont vraiment faits à la fête et on adore ça. Et nous sommes au domaine de Farnières, sur les hauteurs de Vielsalm, c'est ici qu'on va démarrer dans quelques secondes, Adrien. Oui, avec un ministre heureux, donc on pourrait la nommer ambassadrice de la Wallonie. Hein. Ah, elle l'est déjà. Elle est bien sûr l'ambassadrice des boulangers pâtissiers, mais elle est maintenant l'ambassadrice de la Wallonie. Oui. D'ailleurs, je le confirme officiellement à l'instant. D'accord. Michel Scott qui reçoit du titre de noblesse sur ce beau vélo. Eh bien, Sylvie, c'est parti pour une trentaine de kilomètres. Oui. Pour celles et ceux qui ont choisi la grande boucle, mais il y a toujours possibilité, vous le savez, de faire la boucle Adeps. On est prêt, on y va tout de suite. On attend pour donner les premiers coups de pédale. On donne les premiers coups de pédale en direct, ok? 3, 2, 1, c'est parti. Hop là. Allez. On commence par une petite côte pour sortir du domaine et tourner directement à droite, hein. Ouais, devant la chapelle Saint-Jacques. Et ça tombe bien parce qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oui. Ouais. Et cette petite chapelle est construite en schiste et en ardoise de taille. Ce sont les richesses géologiques de la région avec le cuticule dont nous allons vous parler évidemment tout au long de cette émission. Bien entendu. Sylvie, dressez-nous un peu le parcours que nous allons faire cet après-midi, Sylvie. Alors vous allez vraiment découvrir de magnifiques régions tout autour de vous. C'est vrai que c'est le pays, comme vous l'avez dit aussi, de l'accordéon, c'est le pays de la myrtille, c'est le pays des maquerelles, c'est le pays du point culminant avec la baraque fraîche. Donc vous allez vraiment découvrir des lieux dits, découvrir un lac magnifique. Vous allez vous ravitailler, ce sera à la mi-parcours. 29 km, vous allez à mon avis déguster, puisqu'Olivier vous en voulait juste après l'altre ravitaillement. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, on quitte ce domaine, vous quittez en tout cas ce joli domaine arboré. J'y reste, moi, pendant 3 heures et j'aurai l'occasion de vous décrire ici les produits locaux, les producteurs locaux que nous allons vous présenter, qui nous invitent à déguster leurs produits chaque samedi et qui font aussi la richesse du village du Beauvélo de Ravel. Voici Olivier Dion, De mes propres ailes. C'est la première chanson de notre programmation musicale de cet après-midi en direct de Vielsalm. Vous l'avez compris, avec vous, c'est parti pour ce samedi extraordinaire. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme bon le jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus. Avec De mes propres ailes, nous sommes donc à Grand Alleux. Vous passerez au-dessus de la Salme. Quand je dis vous, c'est les ravelistes que vous emmenez, Olivier et Adrien. À plusieurs reprises, vous passerez au-dessus de cette rivière capricieuse, direction Vielsalm. En passant par le bois, le mer, vous reviendrez vers Vielsalm. Petit tiers, évidemment, et puis vous découvrirez donc pas mal de choses au niveau verdure. Alors, où vous en êtes où ? Donc, c'est vrai que vous avez quitté, vous étiez sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le ravel que vous emprunterez est à quelques kilomètres. Oui, il longe la Salm, hein, cette rivière qui a donné son nom d'ailleurs à Vielsalm, qui va vers Saint-Vite après. Donc nous descendons vers la vallée et après ce sera relativement plat avant de retourner près de chez vous. Sur nos tandems, des invités qui connaissent très bien la région. D'une part, Jean-Luc Daniel, présentateur du plat préféré, l'émission estivale de la RTBF. Ça va Jean-Luc ? pas trop mal, Adrien. Je suis dans une position que je dois encore affiner, mais jusqu'à présent, je suis pas trop mal. Bienvenue, en tout cas, c'est votre premier beau vélo. Vous êtes né à Malmedy, c'est à une vingtaine de kilomètres. Une bonne vingtaine de kilomètres, effectivement. J'y suis né, j'y ai grandi et j'ai parcouru pas mal la région sur les routes. Oui, parce que vous êtes passionné de vélo. Absolument. Ouais. Et puis vous êtes allé à la chasse aux myrtilles. Peut-être aurez-vous croisé dans les bois frère Manu qui est derrière vous, Olivier. Ça... Oui, exactement. Alors, je suis les Salésiens parce que le centre de Bosco ici à Farnières, c'est des Salésiens qui y habitent. Hein. Chez les Salésiens, on ne s'appelle pas vraiment frère entre vous, Manu. Non, on s'appelle par le prénom très souvent. Pour les frères, on dit monsieur ou bien le prénom. Voilà, ce sera le prénom si vous voulez bien. Donc frère Olivier et Manu. Alors. Voilà. Et on aurait dû avoir un Jacques, mais on n'a pas trouvé. On va avoir frère Jacques, mais ça n'a pas marché. Frère Jacques, il y en a. C'est vrai. Ah ben vous nous le présenterez tout à l'heure. Et il n'est pas là pour l'instant. Manu, un petit mot quand même, parce qu'on parle depuis ce matin de ce lieu Farnière qui nous accueille depuis 9h aujourd'hui avec tous les beaux héros qui ont trouvé ce site qui est quand même excentré par rapport à Vielsalm Centre, même si on est toujours sur le territoire de la commune. Alors qu'est-ce qu'on y fait? On a donc une communauté de Salésiens dont vous êtes le plus jeune et le plus vieux en même temps. Oui, le plus ancien au niveau longévité à Farnières, oui, mais le plus jeune au niveau âge, oui. Et alors, c'est aussi un centre d'accueil, où vous cohabitez avec des laïcs pour gérer tout cela. C'est ça, on fait des week-ends. Avant, c'était spirituel, on en fait toujours. Mais on fait aussi d'autres week-ends, on fait des séminaires de musique, on fait d'autres rencontres, comme l'Académie citoyenne avec les jeunes. Oui, et l'Académie cycliste aussi, parce qu'il est super sportif. Hein. Oui, il est super sportif. Vous savez, il a plein de casquettes, Manu. Oui. Il est aussi guide nature. Et d'ailleurs, on profitera tout au long de la balade de ses commentaires affûtés sur cette région très branchée nature, Adrien. Ouais, il a 3 fois 20 ans et il a repéré la balade avec nous, fingers in the nose, vraiment tranquille. On a même eu du mal à le suivre, Manu. On laisse tomber le frère, on va l'appeler. C'est plus sympa, Manu. Voilà, Manu, ouais. Ok. Manu Fievé sera un autre Manu. Nous attend au ravito. C'est un chef coq de la région qui a préparé une truite aux amandes. Je dis ça pour motiver les troupes derrière nous. Ce sera à la halte ravitaillement, Sylvie, qu'on a installée sur les rives du lac des Doyards. Je me demande si les maquereaux qui fêteront leur grand sabbat le 21 juillet ont reçu une bénédiction, en parlant de ça. Parce que c'est vrai qu'on se le demande quand on voit leur comportement. On aura l'occasion de vous reparler de ce sabbat et des maquereaux. On vous amènera le diable tout à l'heure. Oui, par exemple, qui sont évidemment bien présentes ici parmi nous. Bien, on aura l'occasion encore une fois de parler des producteurs locaux qui sont des nôtres ici. C'est un grand village finalement, un grand village. Si vous n'êtes pas venu l'année dernière, sachez que c'est encore plus grand que l'année dernière. Voilà, il y a des animations supplémentaires qui vous attendent. Dans quelques instants, c'est Axel Red qui chantonnera Sensualité, ne bougez pas. Vivacité à Lessines, en toute complicité, sur 101.8 FM. En télé sur la Une, Tour de France 2016. Jusqu'au 24 juillet, vivez en direct toutes les étapes de la Grande Boucle, l'événement sportif incontournable de l'été. Pour cette 103e édition, qui succédera à Christopher Froome? Le Tour de France 2016, tous les jours, en direct, sur la Une. Rêve intérieur solde, jusque moins 60% chez Rêve intérieur. On en parle partout, à la radio, à la télé. Bah, c'est l'événement à ne pas rater, logique qu'on en parle partout. L'événement? Pourquoi? En plus des soldes, c'est leur anniversaire. Ils font des conditions exceptionnelles, jusque moins 60% sur plus de 70 canapés haut de gamme. Des salons avec relax, en cuir ou en tissu, et de stock en plus. Découvrez les soldes et conditions anniversaires de Rêve intérieur dans nos magasins de Gosselies, La Louvière et Carnion. Retrouvez nos promos sur rêveintérieur.be. À Belleward, une journée en toute complicité, ça commence par exemple par... Et ensuite... Ça c'est du bon hamburger. Et après... Tous au bateau pirate. Belleward, l'aventure à l'état pur. Infos et tickets à partir de 27€ sur belleward.be. Le soir présente la monarchie belge. De la prestation de serment d'Albert Ier au couronnement de Philippe, revivez la succession de nos 5 derniers rois sur le trône de Belgique. Du 18 au 23 juillet, Le Soir vous offre la reproduction de ces unes de l'époque, accompagnée d'explications historiques. Un témoignage unique à découvrir dans votre journal dès le lundi 18 juillet. Le Soir, je lis, donc j'agis. Mais ils vont s'arrêter où ? Maintenant, chez Poincaré, c'est 50% sur tout le magasin à l'achat de 3 pièces hors exception. Et toujours plein d'articles à moins 60 et moins 70%. Oh, Poincaré, j'adore ! Plus d'infos sur poincaré.eu. À l'occasion des soldes, les Tissus du Chien Vert vous offrent la confection gratuite de vos tentures sur une sélection de plus de 200 tissus. Une confection gratuite et made in Belgium. Les Tissus du Chien Vert à Bruxelles, Waterloo, O'Neill et sur chienvert.com. Ah oui, au Tissus du Chien Vert, tous nos prix sont conseils compris. Retrouvez nos soldes et conditions sur chienvert.com. Vivacité et la foire de Libramont présentent l'agriculture, une question de vie. Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur www.foiredelibramont.com/pétition. Et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur www.foiredelibramont.com. Tour de France 2016. On n'oublie pas évidemment le Grand Tour de France et vous êtes à cette heure-ci, Pierre Capard, à l'origine d'une petite séquence tourisme de la région que vous traversez, je pense. Effectivement, Sylvie, on ne peut rien vous cacher. Nous nous trouvons à Villars-les-Dombes, dans le département de l'Ain, région Rhône-Alpes, sous le soleil. Et oui, ça va faire des jaloux, 26 degrés, ciel bleu, mais du vent moins qu'hier, cela dit, hein, dans les gorges de l'Ardèche ou avant-hier dans le Ventoux. Mais on ne va pas s'en plaindre. Hein. Villars-les-Dombes, c'est surtout un endroit connu pour son parc des oiseaux, le principal site touristique de ce département. C'est le plus grand parc ornithologique de France, avec plus de 3000 espèces d'oiseaux dans un parc de 35 hectares. Alors pour nous en parler, eh bien nous avons rencontré Emmanuel Visentin, c'est le directeur du Parc des Oiseaux. C'est le plus grand parc ornithologique en France, c'est le deuxième en Europe et sans doute le troisième au monde. On présente au Parc des Oiseaux la plus importante collection d'oiseaux de France, hein, 3000 oiseaux qui représentatifs d'à peu près 300 espèces différentes. Mais surtout, au-delà de l'aspect quantitatif, c'est surtout le mode de présentation qui fait la force du Parc des Oiseaux. Voilà, on s'efforce de présenter nos oiseaux en lien avec des ambiances paysagères qui sont inspirées des milieux d'origine de nos oiseaux. Donc voilà, on offre un véritable tour du monde à nos visiteurs. Oui, sur un site remarquable. Au cœur de la Dombe, hein, la Dombe, c'est un plateau situé au nord de Lyon, jonché d'étangs qui ont été façonnés par l'homme au 13e et 14e siècle, et en façonnant ces étangs, ils ont créé un écosystème extrêmement favorable aux oiseaux. Donc voilà, la particularité du parc, c'est qu'on fait cohabiter à la fois une avifaune des oiseaux sauvages avec des oiseaux dits captifs, hein, originaires de milieux exotiques, tropicaux. C'est vraiment un atout essentiel pour notre parc. Avec une tour aussi, ça c'est assez particulier, cette tour, c'est nouveau, hein, je pense. Voilà, c'est une tour panoramique qui fait 27 mètres de haut et donc qui permet, hein, aux visiteurs une déambulation verticale d'un étang central jusqu'à une plateforme située à 27 mètres de haut. Et ce qu'on veut travailler avec cette tour, c'est d'une part une valorisation de l'écosystème local, puisqu'on fait naître la balade verticale du sous-sol de la Dombe qui a... Les caractéristiques de sous-sol a permis la création des étangs, parce qu'on a un sol très argileux. Et puis petit à petit, en se baladant à travers les arbres et puis en arrivant en plein ciel, on veut aussi travailler d'identification, c'est-à-dire qu'on veut permettre aux visiteurs de s'identifier à l'oiseau. Voilà, en voyant depuis 27 mètres de haut, eh ben on permet aux visiteurs de voir ce que voient les oiseaux quand ils sont en plein vol. Et pour terminer, les oiseaux en plein vol, comme on peut les voir ici, c'est un véritable spectacle en soi. On n'a pas voulu faire un spectacle comme on les trouve un peu partout, en France, en Belgique ou en Europe, qui mettent essentiellement en scène des rapaces, parce que c'est pas forcément l'image et l'identité du parc. On a voulu faire un spectacle d'oiseaux en vol qui ressemble au Parc des Oiseaux et notamment qui sublime sa collection. Donc voilà, on a mis en vol, en spectacle pour la première fois, énormément d'espèces en 2008 qui sont toutes issues de la collection du parc. Je parle là des pélicans frisés, je parle des ibis. Donc on a pendant une demi-heure, environ 30 minutes, près de 150 oiseaux qui évoluent sous les yeux des visiteurs devant un décor somptueux qui est composé d'un étang central et d'une barrière arbustive. Voilà, c'est vraiment le point fort de notre journée. Oui, un spectacle en tout cas, et un parc, croyez-moi, qui vaut le déplacement ici, sous le soleil en plus, dans ce parc d'une grande richesse botanique et paysagère. C'est à Villars-les-Dombes, ma chère Sylvie. Merci beaucoup Pierre Capard pour cette carte postale donc en direct du Tour de France. Carte postale donc qui se succède aussi tout cet après-midi en direct de Vielsalm, là où nous avons planté notre village Beauville-de-Dravel pour cette quatrième étape qui s'annonce très très bien. Au niveau de la météo, c'est sec et dégagé. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment vite pourrait t'abonner, ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit, pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit, ralenti, des yeux amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. Avec sensualité en ce samedi après-midi en direct de Vielsalm et environ déjà les balances sur la scène du Beauville-de-Dravel, puisque tout à l'heure nous accueillerons à partir de 16h pour les showcases avec le soutien de Joker Plus Dave qui nous fait vraiment le plaisir et l'honneur de venir depuis plusieurs années maintenant nous voir. Mister Cover, il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. Et puis Laura Cartesiani qui est la grande gagnante de The Voice, qui sera accompagnée de sa marraine, de sa coach BG Scott, puisqu'elle est ici en Bassenrice, comme vous l'avez peut-être entendu déjà sur la ligne d'arrivée des maîtres boulangers pâtissiers qui sont sur place. À tout de suite avec des nouvelles du peloton, si on peut dire. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert. Ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Solde chez LR Cuisine au troisième étage des meubles Belot à Soigny. LR Cuisine, le plus grand choix, la meilleure qualité au meilleur prix. LRcuisine.be. LRcuisine.be. Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Est-ce que vous allez bien? Bon festival cet été, mais gardez votre voix pour The Voice. Les auditions continuent. Inscrivez-vous, vous ou un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Le Val-Joli à Eppe Sauvage, en France, à deux pas de Sivrirance. Le Val-Joli, le complexe aquatique détente sur plus de 180 hectares d'eau pour toute la famille. Pour un jour, pour un séjour, plus de 25 activités de plein air. Un parc aquatique, un aquarium et la restauration sur place, bien sûr. Les trois derniers vendredis du mois de juillet, rencontrez les producteurs des métiers de bouche au marché nocturne campagnard d'Eppe Sauvage. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Entre Grand Halleux et Vielsalm, ils sont là, les milliers de cyclistes emmenés par Adrien. Et Olivier, vous suiviez le sentier, le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle, vous suivez aussi le sentier des sorcières, Adrien, hein, sentier des maquereaux, ah oui. Puisque vous allez voir normalement un rocher, où vous l'avez déjà dépassé, un rocher qui était un lieu de prédilection pour les sorcières. Oui, Tienne-Metz, et je peux vous dire que les maquereaux sont un peu partout, à bicyclette, et puis le long de la piste, j'espère qu'elles ne vont pas nous lancer un sort maléfique. Alors, il y a des auditeurs qui viennent des quatre coins du pays pour ce beau vélo de Ravel. Toi, tu viens d'où? De Moucron. Oh là là là là, Moucron, tu t'es levé tôt alors? Je suis là depuis une semaine chez mes grands-parents. Ah, t'es en vacances chez bon papa et bonne maman. Quel est ton prénom? Victor. Victor, t'as quel âge? 14 ans. 14 ans, dis. J'ai l'impression que t'es sur un vélo de course. Tu fais partie d'un club cyclo? Non, je fais ça pour mon plaisir. Ouais, ok, mais pas mal, hein. Victor, motivé à fond. La forme. Qu'est-ce que tu penses de cette ambiance du beau vélo de Ravel? J'aime bien, c'est pour ça que je viens aussi. D'accord, il faut bouger avec nous, ça fait un bien fou. Jean-Luc, Daniel, moi je vous sens pédaler derrière moi, j'ai l'impression que vous avez des mollets de coureur cycliste. Je pense que vous avez fait le bon casting sur cette édition du beau vélo de Ravel. Effectivement, j'ai préparé mes jambes pour vous aujourd'hui parce que vous avez pu constater que le dénivelé de la vallée de la Salme, eh bien, dépasse le 5% autorisé sur des Ravel. Oui, et on est ici, Olivier Coll, près de la baraque de Fature, hein, point culminant de la province de Luxembourg. J'ai vérifié dans mon atlas de géo de 6e primaire. C'est à peine plus bas que Botrange. Hein. 652 mètres d'altitude, effectivement. Et pas mal de roches aussi, ça fait la richesse de la région. Exactement. Il y a moi, canicule et plein d'autres. Je pourrais comparer les mollets de Jean-Luc à un gros roc, en tout cas, parce que vu de l'arrière où je me trouve, il n'y a pas photo, Adrien, entre les vôtres et ceux de Jean-Luc. Alors ça rivalise quand même un petit peu, je dois le dire. On va donc parler, Manu, de ces fameuses roches, et notamment les roches sédimentaires les plus vieilles de Belgique. La roche qui a un rôle très important dans cette région de Vielsalm. Hein. Exactement. Alors ces roches se sont formées il y a 600 millions d'années à peu près, au pôle sud. Et puis, poussées par la plaque africaine, elles sont remontées de 11 000 km vers le nord jusqu'ici maintenant. Donc, et on est monté à peu près à 3000 mètres à l'époque de leur formation. Ah, pas aujourd'hui. Et puis alors, il y a eu des érosions, pénéplanations, nouveaux glissements, érosions, pénéplanations, pour arriver à ce que l'Ardenne est aujourd'hui. Voilà. Et alors, il y a des pierres, ces roches sédimentaires. Alors là, on remonte évidemment des millions d'années en arrière, mais au niveau d'aujourd'hui, il y a toujours une pierre qui est connue, qui vient de Vielsalm. Pour tous ceux qui aiment aiguiser leur couteau jusqu'au dernier carat, c'est la fameuse pierre de Coticule. C'est ici qu'on vient la récolter. Exactement. Donc, c'est à peu près unique au monde. C'est une pierre qui contient des minuscule grenat, presque aussi dur que le diamant, et qui permet d'aiguiser très finement. C'est vraiment pour la finition des lames. Tout à fait. Et la pierre de Coticule, pour tous les aiguiseurs, c'est vraiment le Graal, si je peux m'exprimer comme ça, avec un frère à l'arrière de mon tandem aujourd'hui, Sylvie. Vous allez voir que cette région est passionnante, et son côté naturel, parce qu'on parlera des bois tout à l'heure, et des cours d'eau également, eh bien, va véritablement nous passionner. Alors que là, nous sommes dans Vielsalm, mais pas pour longtemps. Manu, on vient d'obliquer à gauche, on va monter sur Petitière, et quand je dis monter, je crois que ça portera bien son nom. Oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tiers veut dire une côte. Hein. Et donc petite côte, si je traduis. Petite côte, mais elle est déjà pas mal pour un ravet. D'accord. Bon, laissez-nous souffler un petit peu, Sylvie. Et puis, on vous donnera le sentiment sur cette première difficulté de la journée dans quelques minutes. Pas de problème. Emma Bell, pour vous accompagner, elle sera en concert avec Vivacité dans le cadre du festival Scène sur Sambre les 26, 27 et 28 août à l'Abbaye d'Aulne. La voici. They say, Emma, you don't understand. You will need a helping hand. They say, Emma, you're so way too young. Just be quiet, bite your tongue. Maybe I should listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. All I need is time to figure this all out. And why am I waiting on the other side? And why do you say I'm wrong when you know I'm right? I need lucky numbers and a Chinese phrase and a fortune cookie on rainy days. And I say say, Emma, you will make it far, but only by being who you are. So I say, let them talk and don't be shy. Emma, keep your head up high. I no longer listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. Give me some time and I'll figure it all out. Emma Bell en concert avec Vivacité dans le cadre du festival Scène sur Sambre les 26, 27, 28 août à l'Abbaye d'Aulne. Nous sommes donc dans un magnifique domaine, domaine arboré, le domaine de Farnières, aussi appelé centre Don Bosco. J'avais envie d'avoir Thierry Grolich sous la main, justement ici, à mes côtés, pour parler de ce centre et puis qu'apprend jeu. Qu'il est avec vous, qu'il pédale oui, à vos côtés. Oui, parce que c'est un fidèle du beau vélo, oui. Thierry, qui nous a accompagnés à l'époque en République démocratique du Congo. Souvenez-vous, Sylvie, oui. Honoré, vous avez pédalé sur les mêmes pistes de la Territe Rouge. Et aujourd'hui, on pédale avec lui sur un tarmac noir, celui de ce Ravel dans la région de Vielsalm. Thierry, vous êtes une des chevilles ouvrières, on peut le dire, de cette étape. Hein. Ça fait longtemps que vous la préparez. Ben écoutez, Adrien, vraiment bienvenue à vous dans le pays salmien et puis spécialement au centre de Moscou de Farnières. On est vraiment très, très heureux de vous accueillir. Oui, ça a été tout un travail de mobilisation parce que organiser une étape du beau vélo, ben, c'est un peu comme recevoir, allez, je le dis modestement, mais c'est un gros boulot de production, logistique, etc. C'est comme si vous receviez un cirque à la fois et en même temps une étape du Tour de France et un concert, une espèce de mini-festival. C'est clair, Adrien, mais il faut avouer que vous avez, avec les Chemins du Rail et puis avec Francis Hubin, une équipe qui est dynamique et qui est vraiment fantastique. Et donc, ça nous aide vraiment dans la tâche. Hein. Oui, il y a 300 bénévoles qui travaillaient ce matin. Et ça n'a pas trop perturbé l'inquiétude des frères et des sœurs qui méditent dans le centre Don Bosco? Bah écoutez, c'est vrai que Farnières est réputé comme étant un endroit calme. Mais bon, voilà. En même temps, on a l'habitude d'accueillir des jeunes, des familles. Et puis ces jeunes et ces familles sont là chez nous en train de jouer, de s'amuser. Et ces cris-là, nous, on les aime bien. Oui, ça met de la vie, hein. Absolument. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, derrière vous, il est sorti de sa retraite, Olivier, Manu, qui est à la fois guide de la région et puis épicurien. Parce qu'à de cuisine. Oui, à l'arrivée du repérage, il nous a fait goûter des salaisons et des bières de pays. Ah bon? Ah oui, la bière de Farnières, je n'invente rien, Manu. Oui, elle est dans le frigo pour nos artistes, d'ailleurs, Manu. C'est vous qui la produisez directement à Farnières, cette bière? Alors, elle est produite à l'abbaye de Val-Dieu. Dans une autre abbaye, bah oui, entre frères. Oui. Ça reste dans les murs. Adrien faisait référence au fait que vous nous accompagnez aujourd'hui. Les Salésiens sont loin d'être des frères cloîtrés. Hein. Alors, tout à fait. Les Salésiens sont des frères actifs. Et donc, ne sont pas des moines. Ah, je pense qu'on vous a perdu, mais je pense en effet aussi que vous étiez à bout de souffle. Et donc parfois j'ai pitié de vous faire parler, j'aimerais bien vous reprendre la parole. Donc voilà, je vous la prends, j'en profite et on aura l'occasion de reparler un petit peu de cette union de frères en ce qui concerne la bière. On a bien compris, j'ai bien suivi l'histoire finalement que vous nous contiez. À tout de suite. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Vivacité et Ouf TV présente Waouh! Londres, Paris, Berlin, Mini Europe. Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Géant. Et ensuite, plongez dans le Céad à côté de l'Atomium. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des aires, ça se respecte. Une initiative de la Sofico avec Vivacité. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Vive les vacances, Vivacité et Peridaisa vous offrent une belle sortie en famille. Écoutez Vivacité et gagnez vos entrées pour toute la famille. Vous aurez la chance d'aller découvrir, entre autres, les orangs-outans, les koalas, le bébé rhinocéros, mais aussi tout l'univers de Peridaisa. Peridaisa, bien plus qu'un zoo. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watteau. À l'achat des peintures Sigma, recevez une entrée gratuite pour Peridaisa. Watteau à Tournai, Mons, La Louvière, Charleroi, voir conditions en magasin. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Je connais évidemment votre mode de fonctionnement, Olivier, Adrien. Ne pas rester sur une défaite. Vous n'étiez pas allé au bout de votre phrase. Mais oui, j'étais avec Manu en train de raconter cette particularité. Alors d'abord, que le domaine de Farnières n'est pas une abbaye ni un monastère. Ça, c'est particulier, Manu. Oui, c'est un couvent, en fait, parce qu'il n'y a pas de moines. Les moines, ils font vœu de stabilité. Et nous, les Salésiens, nous faisons partie d'une province. Et le provincial peut, comme un évêque, vous placer à droite ou à gauche, selon les besoins. Ben un peu comme nous, vous êtes saltimbanque. Nous, on est saltimbanque de la radio. Aujourd'hui, à Vielsalm. La semaine prochaine, à Nivelles. La semaine après, à Morexnet. Oui. C'est une très belle image. Et le Borinage, après, qui nous attend. Boussudour, exactement. Adrien, petite particularité aussi, c'est qu'à côté des frères qui sont donc dans ce couvent, Eh bien, il y a également des sœurs dans un autre bâtiment à côté de vous, Manu. Oui, il y a 4 sœurs salésiennes qui font un peu le même travail que nous et surtout en relation avec nous. Alors, je vous donne une petite confidence. C'est là, près des sœurs, que nous avons aménagé les loges de Dave. Exactement. Et Dave qui, au début de sa carrière, se destinait à la prêtrise en plus. Donc, il va un peu retrouver ses racines. Oui, oui. Il voulait effectivement, comme Van Gogh, hein, se lancer dans cette carrière de pasteur, mais il a préféré la chanson pour notre plus grand plaisir, Sylvie. Hein. Absolument, absolument. Vous en connaissez sur l'artiste. Il viendra peut-être, à mon avis, ça fait trop longtemps qu'il en parle, il viendra, à mon avis, nous confier d'autres choses, parce qu'avec Dave, on sait tout, on peut toujours s'attendre à tout. On a toujours l'impression aussi qu'on va y avoir, qu'il va y avoir un petit scoop de dernière minute qui n'a pas encore été épié par la presse. Voilà. Merci, messieurs. Continuez, parce que vous êtes quand même fort, fort essoufflé. Le temps d'écouter Rasmus et avec In the Shadow sur Vivacité en direct de Vielsalm. Tout cet après-midi avec en showcase, tout à l'heure, vous l'avez compris, à partir de 16h30. Dave, donc, Mister Cover. Il y aura aussi Laura Cartesian, la grande gagnante de Voice, qui attend son petit bouffe pour tout bientôt avec BG Scott qui l'accompagnera, sera donc tout à l'heure à partir de 16h30 avec le soutien de Joker Plus, une showcase comme chaque semaine en direct du beau vélo de Ravel. Shadow sur Vivacité en ce samedi après-midi, comme chaque samedi durant tout l'été depuis des années maintenant. vous avez rendez-vous avec une nouvelle étape du Beauvélo de Ravel. Nous sommes à Vielsalm et environ, ils sont sur leur vélo. Adrien, avec Jean-Luc Daniel, votre invité. Mon plat préféré, c'est chaque samedi, tous les samedis, avec ce soir Sarah de Padua, je pense, Adrien. Oui, elle a préparé un bon petit plat en famille. Hein. Jean-Luc, elle vous a reçu dans sa maison, au bord du canal, au bord du Ravel, en fait. Absolument, dans la région de Feluy, une très très jolie région aussi à découvrir. Et c'est évident que faire une émission avec Sarah de Padua est un excellent exercice pour faire de beaux vélos. Oui, oui, parce que c'est sportif. Hein. Absolument. Elle est nerveuse, elle est pas nerveuse, elle est hyper vitaminée, je dirais. Elle est peps, elle est pétillante, c'est comme ça qu'on l'aime, évidemment. Olivier, on a des maquerelles partout, vous avez le diable au corps, vous résistez. C'est bon. Un peu ça. Et j'ai l'impression que Manu, même s'il est un frère salésien, cohabite bien avec ce diable de la région et ses maquerelles, parce que là, on quitte complètement le domaine religieux pour aller dans le païen pur et dur, hein, Manu. Oui, mais c'est un diable gentil. Il n'y a pas de problème. On peut le tirer par la queue. Et tout à l'heure, d'ailleurs, les pires vacheries qu'il fait, c'est la revue de l'année lors du sabbat. Et c'est souvent très humoristique et très sympathique. Et d'ailleurs, le sabbat, c'est pour bientôt. C'est le 20 juillet, la semaine prochaine. Et le 21, la fête des myrtilles. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec le responsable de ces maquerelles qui nous attendra au bord du lac des Doyères. C'est Christian Charlier qui sera notre invité tout à l'heure là-bas. On arrive à Petitière, Adrien. Petite anecdote, regardez l'église qui est devant vous. J'ai déjà dormi à l'intérieur de cette église lors d'un high scout. Quand vous étiez enfant de cœur. Et on a été réveillé par les cloches très très tôt le matin. Il y a longtemps. Et par les fidèles qui arrivent à la messe. Dirigez-vous tout doucement vers cette région Petitière, donc, et comme vous l'avez dit, halte au ravitaillement tout à l'heure au bord du lac. On se retrouve juste après le flash de 14h. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Je ne tiens pas debout, Queen and the Queens sur Vivacité en direct du Beau Vélo de Ravel ici à Vuillet-le-Salm. Qu'est-ce qu'elle dit dans sa chanson? Ça ne tient pas debout. Attendez, je vérifie. Ça ne tient, Eric Boschmann. Pas debout, le monde tourne sur pas... sa tête. Non, pas à cette heure-ci. Non, vous non, m'en voulez c'est beaucoup pas. Trop tôt. Je suis désolé, j'ai bu du café, j'ai une haleine de mouflon et on se parle l'un près de l'autre. Alors, on me dit que Bee Gees Scope fait tous les stands puisqu'elle représente les maîtres boulangers-pâtissiers. Voilà. Et vous, à mon avis, vous êtes là-bas, au stand des vins. Des vins du Luberon, exactement. Je suis déjà allé deux fois au stand dire bonjour et à chaque fois j'arrive à contre-temps, donc les gens ne sont pas là. Donc je me suis occupé aussi du stand de la brasserie de la Liesse pour dire bonjour. Et puis de la Liesse. Puis je vais dédicacer mes livres au stand des produits wallons. Puisque, c'est votre planning, ça, l'après-midi. Oui, voilà, c'est un. Je ne fais pas de vélo aujourd'hui, je laisse Adrien crever tout seul. Oui, en plus, une fois, à mon avis, la dernière fois que vous avez fait du vélo, c'était avec moi, non? Moi, j'ai le souvenir. Mon petit chat, je suis déjà revenu. Je viens chaque année, on n'échappe pas à Adrien. Mais on avait eu dur quand même. On avait, hein, on a failli mourir. On a failli mourir personnellement tout seul. Oui, mais moi, de peur. Moi, je me souviens. Oui, je me souviens d'une fois où j'étais avec Eric également à l'arrière de mon tandem et on a crevé. Donc on a Adrien a crevé, on a filé notre vélo et nous on a attendu genre trois quarts d'heure que le dépanneur arrive en faisant coucou à absolument tout le peloton. Olivier me rappelle que vous avez attendu le dépanneur pendant trois quarts d'heure. Exactement. Alors ouais. Ça c'est un sale coup. Sans rien boire. C'est un sale coup qu'Adrien nous a fait. Il a fait crever notre vélo et puis il a pris notre vélo. Il vient crever le sien, il a pris notre vélo, il nous a laissé un côté Christopher Froome. J'ai failli courir à côté du vélo, mais je suis beaucoup plus costaud que Christopher Froome et donc ça n'est pas fort. Mais ça restera dans les annales, ça c'est sûr. Vous allez être, bon, le Luberon, vous m'avez dit en effet tout à l'heure, il y a quelques instants, le Luberon, Sylvie, c'est un petit peu, c'est un morceau de la Belgique. Ah bah avec le nombre de Belges qu'il y a dans le Luberon, si on enlève les Belges, c'est vide. Hein. C'est un truc, enlever les Belges du Luberon, supprimer les Anglais, de toute façon ils vont rentrer avec le Brexit, le Luberon peut se poser des questions hein, si on n'est plus là. Bon, l'échappée belge en Provence, donc ne risque pas d'être triste. J'ai l'impression, c'est dingue. J'aimerais bien un jour faire ça. Comment il faut faire pour participer à un truc comme ça? Je dois faire de la lèche à Olivier, à Adrien, je dois acheter un vélo, je dois faire quelque chose. Non, absolument. Vous pouvez vous inscrire, pas de problème, je prendrai des inscriptions tout à l'heure. Et vous allez jouer un spectacle, c'est une première ça? C'est pas une première, mais je vais jouer mon spectacle à Uzès, donc dans le coin. Là, dans un festival qui s'appelle Belle Uzès, puisqu'il y a beaucoup de Belges dans la région d'Uzès aussi, et qui commence, un festival qui commence le 20 juillet. Alors il y a un opéra de La Monnaie qui va être diffusé sur grand écran, il y a Charles Lauz comme pianiste qui va donner avec c'est, j'ai oublié son nom, le violoniste fou, ils vont donner quelques concerts. Moi je joue Ni Dieu ni Maître mais du Rouge le 27, 28, 29, quelque chose dans ce genre là, et le 30 une création en compagnie de Charles Lauz et Isabelle de Préchin qui va s'appeler Parfaite. Bon ben voilà, donc vous avez bien compris Olivier, hein, il est ici pour parler du Luberon, le morceau de la Belgique, il est ici pour dédicacer ses livres, pour faire la promotion de sa pièce à Uzès, enfin bref, du grand Eric Boschmann. Hein. Du pain et de la bière, eh ben tout oui. Ça mélangé. Il y a qu'Eric Boschmann qui peut faire ça en un seul gars. Adrien, on parlait justement du Luberon, ça se rapproche de semaine en semaine. Hein. Ah, in vélo veritas, oui, nous serons là du 22 au 28 septembre. Il faut passer par le stand tenu aujourd'hui par Eric, hein, le stand du Luberon à vélo. Il y a toutes les infos et toutes les bonnes nourritures terrestres à déguster sur le stand. Et il y a du vent, il y a du lourd. Ça c'est sûr. Il ne vous entend pas, mais il acquiesce. L'opine du chef. Tout ce qu'Adrien dit, c'est vrai. Oui, c'est parole d'évangile. L'évangile selon saint le cas Adrien. De dire quand on est chez Don Bosco, épître d'Olivier aux Corinthiens, avec les raisins secs. Ouais, il dit que c'est vrai que nous sommes quand même au centre Don Bosco, donc malgré tout, avec un frère sur le vélo d'Olivier Colle. Non. Si. Non, j'y crois pas. Et c'est pour ça que Don Bosco, je voyais bien, il y avait un câble, je me souviens, qui montait sur un câble pour faire plaisir aux petits enfants et tout. Ça s'appelle une tyrolienne. Ah, un détride. Je croyais qu'il manquait un morceau. Un détride, voilà. Bon, ben voilà tout ce qui nous entoure ici. J'irai faire un petit tour du côté du fromage bio, tiens, parce qu'il y a aussi une fromagerie bio ici à Vuillet-le-Salm et j'ai goûté le vieux Liège. C'est pas bio, c'est Bee Gees Scott. C'est Bee Gees Scott. Donc voilà ce qui vous attend. New Year's Day, voici aussi U2 dans les oreilles. Quoi que vous fassiez cet après-midi, ben faites-le bien entendu, et merci de nous écouter et de vous évader peut-être avec nous en direct de Vuillet-le-Salm cet après-midi. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Mais ils vont s'arrêter où ? Maintenant, chez Poincaré, c'est 50% sur tout le magasin à l'achat de 3 pièces hors exception. Et toujours plein d'articles à moins 60 et moins 70%. Oh, Poincaré, j'adore ! Plus d'infos sur poincaré.eu. À l'occasion des soldes, les Tissus du Chien Vert vous offrent la confection gratuite de vos tentures sur une sélection de plus de 200 tissus. Une confection gratuite et made in Belgium. Les Tissus du Chien Vert à Bruxelles, Waterloo, O'Neill et sur chienvert.com. Ah oui, aux Tissus du Chien Vert, tous nos prix sont conseils compris. Retrouvez nos soldes et conditions sur chienvert.com. Bonjour, je m'appelle Martine. Bah voilà, j'ai pas pu résister. Ça avait pourtant bien commencé jusqu'au moment où j'ai vu ce nouveau canapé design. Là, je me suis dit, Martine, résiste, Martine, résiste, Martine. Sélection meuble, c'est pas pour toi. Et puis j'ai vu ce prix. Ce sont les soldes chez Sélection Meubles à Mougis. 13 000 mètres carrés de meubles en ambiance vous attendent. Avec les conseils de professionnels, un service de livraison et de montage gratuit et des soldes durant tout ce mois de juillet. À 15 km de Tournai, Sélection Meubles à Mougis Mont-de-l'Enclus. Un jour ou l'autre, vous y viendrez. La 2 en télé. Supergirl et ses super pouvoirs débarquent sur la 2. Qui est la mystérieuse femme volante qui a porté secours à l'avion en détresse ? Mais qu'est-ce que tu comptes faire si on découvre qui tu es ? Certains de ces êtres ont des pouvoirs dignes de vos cauchemars les plus sombres. Supergirl, tous les dimanches soirs sur la 2. En direct de Vielsalm. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Nous sommes, en effet, cet après-midi avec Olivier, Adrien, depuis quelques kilomètres. Vous avez parcouru d'autres horizons. Où êtes-vous pour le moment ? On est passé devant le zoning de Burtonville, qui est un zoning industriel où on fabrique de l'électricité à partir du bois. Élie Deblier, c'est bien, c'est novateur. Le bois, la forêt fait vivre toute la région, en fait. Ah, c'est extrêmement important pour nous, à Vielsalm, d'avoir cette zone d'activité économique qui fait une cinquantaine d'hectares, avec deux entreprises essentielles, Spanolux pour les fabrications de panneaux MDF et Industrie Bois Vielsalm pour ce qui est bois scié, raboté, et la cogénération, évidemment, qui produit l'électricité pour pratiquement l'ensemble de la zone d'activité. C'est oui, un beau projet. Renouvelable que vous utilisez aussi à bicyclette. Oui, exactement. Oui, donc de nouveau, mon assistance électrique, c'est bien de me le rappeler. Mais voilà. À chaque intervention, je ne vais pas se faire autrement. Mais chapeau, en tout cas, pour votre organisation ici dans cette ville de Vielsalm. Vous connaissiez ces petits sentiers, ces petits coins perdus de la commune, Jean-Luc Daniel ? L'activité économique, pas forcément, mais en tout cas les routes, oui, toutes les petites routes qui vont de la vallée de la Salme vers la baraque de Fréture, par exemple, et même plus loin, je les ai vraiment fréquentées durant une certaine période de ma vie sur les routes, car j'ai fait pas mal de vélo. Ouais, et puis vous avez lancé une entreprise qui s'appelle Jour de Fête. Ça va bien avec le beau vélo, parce que nous c'est la fête et les jambes, et vous c'est la fête ambulante. J'adore la fête à la base, évidemment, mais Jour de Fête, effectivement, c'est une entreprise qui porte son nom, c'est votre jour de fête, et on essaie à chaque fois d'organiser pour le commun des mortels ou pour des entreprises une fête, voilà, qui tourne autour de la personnalité ou des gens qui sont présents. Ouais, la fête, ça le connaît, Olivier Cole, c'est votre job, hein, si on y va un petit peu. Bah oui, on est là, mais dans des jours parfois un peu tristes comme ceux qu'on a encore connus cette semaine, c'est bien de ramener le sourire à tout le monde et tenter le faire comme on le fait tous les samedis après-midi. Et la fête à la radio, si vous nous écoutez, la fête à la télé demain, après le Tour de France pour l'émission du Beau Vélo de Ravel, sur le web aussi où vous nous suivez, grâce aux reportages et aux photos de Géraldine notamment, et puis le bouquin, la fête aussi bientôt à cette Al Ravito. On va arriver au lac des Doyards. Alors c'est un nom qu'on connaît bien, ce lac des Doyards, c'est emblématique de Vielsalm, Manu. On sait d'où ça vient, ce nom de Doyard ? Alors c'est la somme due à la fabrique d'église quand on louait des terrains. Donc là, quand on louait un terrain, on disait il y a autant de doyards à payer à la fabrique d'église. Des dollars, quoi, c'est vrai. Oui, on pourrait imaginer cela. Et le lac est fait depuis 1975, c'est un lac artificiel et qui a été fait sur les terrains de la fabrique d'église. Et alors là, il y a matière à discuter parce que c'est le glin qui forme ce lac des Doyards. il y a la salme qui se jette dans le glin. Elle s'appelle la salme. Comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est parce qu'il y a eu une erreur de transcription sur les cartes il y a 200 ans. Ah, c'est pas notre. La preuve. C'est les cartes du Beauvais. Non. Avant, okay. Et la preuve en est, c'est qu'à Trois-Ponts, il y a le pont du Glin. Donc en aval. Oui, en aval, voilà. Donc normalement, ça devrait être le Glin qui se jette à Trois-Ponts. Oui. Dans. Le Glin étant plus important que la salme. Oui. Et là, c'est l'Amblève. Voilà, pour la géographie des cours d'eau, Adrien. Oui, l'Amblève, puis l'Ourthe, et puis la Meuse, et puis la mer du Nord. À l'instant, la stèle Sean Kelly sur notre droite. Jean-Luc Daniel, vous qui êtes fan de sport cycliste, Sean Kelly, petit rappel. Ah, Sean Kelly est un de mes grands, comment vais-je dire, idole du cyclisme. Je me rappelle à l'âge de mes 14 ans, dans la célèbre doyenne qu'il a gagnée en 1984, je me positionnais dans cette côte avec mon papa et Sean Kelly m'a lancé sa paire de gants et je l'ai gardé pendant des années. D'ailleurs, l'année qui suivait, j'ai enfourché mon vélo pour la première fois et j'ai fait la course des débutants sur le boulevard d'Assonnières. Là, à l'époque où se jouait la victoire. 84-89, les deux victoires de Sean Kelly dans Liège, Bastogne-Liège. Et Sylvie, vous l'entendez, l'harmonie, ça veut dire qu'on approche de la halte ravitaillement. Ouais, on y est même, hein, ouais. Le lac des Doyards, très bel endroit que vous voyez de vos yeux vus, pour nous qui n'avons que le son évidemment et l'ambiance qui règne à cette halte ravitaillement. Dans quelques instants, nous allons donc nous intéresser aussi au quiz culturel pour départager nos deux candidats. Ce sera juste après U2 que voici. We'll be right back. YouTube dans les oreilles avec New Year's Day. Alors que je fais encore un petit tour sur ce village des producteurs locaux réunis au sein de cette section de la PACW, puisque chaque semaine des producteurs sont présents et représentent un petit peu le talent, le savoir-faire de ce qu'il y a dans la région. Françoise D'Argente, c'est vous qui m'a envoyé la liste chaque semaine. Bonjour. Oui, je vous l'envoie avec plaisir parce que je suis une passionnée des produits locaux et donc je représente avec plaisir ici l'agence pour la promotion d'une agriculture de qualité. C'est assez long et compliqué, mais bon, voilà, c'est la PACW. Nous sommes présents sur chaque étape avec 12 producteurs, tous secteurs confondus. Donc vous trouverez de la bière, du vin, du miel, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, des produits maraîchers. Et donc on vous attend aussi avec un jeu concours avec à la clé 5 colis cadeaux qui comprennent tous les produits locaux qui sont présents, ainsi que le fameux livre Vin d'artisan de Wallonie d'Éric Boschmann. Et aujourd'hui, il va même le dédicacer. Voilà, Éric Boschmann, star d'un jour ici, et B.G. Scott aussi, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui est ici et qui fait le bonheur de tout le monde, évidemment. Elle représente, elle est l'ambassadrice des maîtres boulangers-pâtissiers, et elle reste malgré tout B.G. Scott en tant qu'artiste et en tant que coach. Dans quelques instants, j'aimerais mettre à l'honneur du fromage bio. À tout de suite. La Citadelle de Dinan, le rendez-vous culture et découverte incontournable pour toute la famille. Un panorama saisissant. La découverte du site en téléphérique, des animations pour toute la famille, Expo 1914 et plein de jeux pour les plus petits. L'histoire vous attend à la Citadelle de Dinan. Info citadelledinan.be. Est-ce que vous allez bien? Bon festival cet été, mais gardez votre voix pour The Voice. Les auditions continuent. Inscrivez-vous, vous ou un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/thevoice. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Sophie, ça va? Hein? C'est bon la confiture materne sur les doigts? Non, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et sur une tartine, t'as déjà essayé? Ah bah oui, c'est encore meilleur. Viva, vivacité. Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Ce dessin, il le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin, il le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Perdu au fond de sa classe, il s'en mêle. Il se débat avec le coriace pluriel. Puis il explique à sa maîtresse pourquoi par on ne prend pas d'ess. Des câlins il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Secret, ce dessin, il le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. Thank you. Calogero, avec le portrait, je vous fais le portrait peut-être depuis 13 heures de ce qui se passe ici, au sein du village des saveurs, du village des producteurs locaux, du village des animations aussi du Beauvais de Ravel, en cette quatrième étape depuis Vielsalm, en direct. Tour de France 2016. Ce samedi 16 juillet, 14e étape, 208,5 km en plaine, entre Montélimar et le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Voilà, on resitue un peu le décor de l'étape. Samuel Grulois, avec toujours, je pense, à l'heure qu'il est, 4 hommes en tête. Bonjour à vous. Bonjour Sylvie, vous pensez bien, 4 courageux gaillards face au vent depuis de nombreux kilomètres et probablement pendant encore de nombreux kilomètres. Ils comptent au dernier pointage 4 minutes d'avance sur le peloton, un peloton qui a envie de souffler au lendemain d'un difficile contre-la-montre et à la veille d'une étape jurassienne qui pourrait faire des dégâts avec notamment le col hors catégorie du Grand Colombier au programme. C'est le français Jérémy Roy de la FDJ qui a donné la charge, qui a sonné la charge, l'expérimenté coureur original de Tours, élu coureur le plus combatif du Tour de France. C'était en 2011 et 5 ans plus tard, il n'a, semble-t-il, rien perdu de son caractère offensif. D'abord seul, il a vite été rejoint par le Suisse Martin Helmiger de l'équipe YAM qui a la particularité de devancer ce matin au classement Jérémy Roy d'une seule petite place au classement général. Donc Helmiger est 71e, Roy 72e avec seulement 2 secondes de plus au compteur. C'est une petite particularité, je vous le dis pour l'anecdote. Roy, Helmiger sont donc devant, mais aussi un Italien, Cesare Benedetti pour Bora Argon, que l'on a déjà vu à l'attaque sur ce tour, et l'Américain Alex House pour la Cannondale, qui lui non plus n'en est pas à son coup d'essai sur cette grande boucle 2016. Ce sont donc des garçons qui en veulent et qu'il faudra aller chercher, même si je ne vois pas comment nous pourrions éviter un sprint massif tout à l'heure sur le final très plat et très roulant dessiné dans le département de l'Ain. L'Ain, le premier département par ordre alphabétique, d'où le numéro 1 sur les plaques minéralogiques. Quand les équipes de sprinteurs décideront d'embrayer, ça fera mal sur ces routes-là et certaines équipes qui n'hésiteront certainement pas, comme la Lotto Soudal, comme Katusha, comme Direct Energy, toujours en quête de leur premier sprint victorieux sur ce Tour de France. Nous avons traversé le village de Crest, village natal de Maurice Izier, vainqueur d'étape en 1968, ça ne nous rajeunit pas, et nous serons bientôt dans la côte de Fourachaud qui sera directement suivi de la côte d'Autorive, toutes deux classées 4e catégorie. Et à cause du vent de face dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien nous sommes en retard d'un quart d'heure sur l'horaire le plus lent proposé par les organisateurs, et malgré le fait que le départ ait été donné 15 minutes plus tôt que prévu, l'arrivée aura donc sans doute lieu à Villars-les-Dombes entre 17h30 et 18h, mais pas avant. Merci beaucoup Samuel Grulois, et à tout à l'heure. Voici Stevie Wonder en direct de Vielsalm, et sachez donc que tous les ravelistes emmenés par Olivier et Adrien se trouvent en ce moment au lac des Doyards. Et si vous revenez un petit peu plus tard pendant cet été, si vous souhaitez vous reposer un instant le temps que les plus petits profitent de la plaine de jeu, eh bien ce sera là que vous devez vous poser. Vous pourrez également faire le tour 2 km et bénéficier en été justement en ce moment d'animations musicales qui se tiennent sur le pavillon pour posé sur le lac, c'est majestueux. Et c'est là que ça se passe. Seven years of bad love. Terre et Superstition, terre de superstition. Ici à Vielsalmes et environ, avec les maquerelles que l'on vous présente et dont on vous parle depuis le début de l'émission. Les maquerelles qui vous donnent rendez-vous chaque 20 juillet. Donc on y est bientôt pour leur célèbre sabbat. Ça aussi, c'est une bonne raison pour revenir dans la région, le lac des Doyards, où tout se repose en ce moment, Olivier. Exactement, et quand vous parlez de superstition, on est en plein dedans. Je suis à côté de celui qui incarne ces maquerelles ici dans la région. Moi, je croyais que les maquerelles, c'était uniquement féminin, et je constate qu'en dessous des masques, il y a beaucoup de mecs, ouais, finalement, Christian Charlier. Il y a une majorité masculine sous le masque, effectivement. Pourtant, c'est un nom féminin, maquerelle. Oui, maquerelle, c'est féminin, oui, puisque c'est la traduction wallonne du mot sorcière, en fait. Alors, il faut vous décrire, vous êtes complètement en noir, avec des mèches blondes. Oui. Et le fameux balai. Oui. Qui est composé de rameaux. De bouleaux, oui, exactement. On l'appelle le rameau. Hein. C'est ce que permet à la maquerelle de voler. De voler, bien sûr. Bon, ben vous nous faites une petite démonstration, s'il vous plaît. Sauf si la formule est prononcée. Et en général, elle ne fonctionne que le 20 juillet. Quoi, hein. D'accord. Et le 20 juillet, c'est tout proche. Ah, Sylvie vient de parler de ces deux jours de festivité. Alors, le sabbat des maquerelles, d'abord. Le sabbat des maquerelles. C'est pour le 20 juillet. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Eh bien, ce jour-là, il y a plusieurs volets dans la manifestation. Là, le premier volet, on va dire, il y a des animations dans le centre de Vielsalmes. Et puis, il y a ce qu'on appelle la prise des clés de la ville par les maquerelles, parce qu'elles vont devenir maîtresses de la localité. Ça ressemble un peu aux traditions carnavalesques, quand on les entend. Oui, c'est un peu ça. Mais on est hors période carnaval, bien sûr. Et puis, une fois qu'elles sont en possession des clés, ben, évidemment, elles vont régner sur Vielsalmes. Hein. Donc, elles vont raconter dans le sabbat toutes les petites anecdotes. Et là, c'est le diable qui prend la parole aussi. Il y a le diable, mais lui, il est là comme maître de cérémonie, et ce sont les maquerelles qui rapportent tous les faits qu'elles ont causés pendant l'année. C'est très humoristique. C'est un son et lumière. Hein. Et ça se passe sur le site de Tienmes, où on était sur le site de Tienmes. Et alors, les gens voient des sorcières qui descendent le long d'un fil, le balai bien accroché. Non, c'est vraiment une manifestation sympa. On peut la conseiller à tout le monde, les petits, c'est vraiment plein de couleurs, de fumée, etc. D'où le fait que ce jour-là, on voit voler des balais, évidemment. Voilà, on voit voler des maquerelles dessus. Voilà. Le masque est relevé pour le moment, mais la semaine prochaine, le 20, il sera baissé. Ah oui, là, ce sera... Oui, parce que la festivité continue évidemment le lendemain avec la fête des Myrtilles. Eh bien, justement, on est avec le grand maître de la confrérie de la Myrtille. Bonjour. Alors, bonjour. Vous, votre nom, c'est Freddy Tonus. Freddy Tonus, exactement. Donc, je suis le grand maître de la confrérie de la Myrtille qui défend le pays de Sam, la Myrtille et ses produits dérivés. Alors, on fait même du saucisson à la Myrtille, c'est dans quoi? On fait du saucisson, on a du pâté ardennais à la Myrtille. Donc, on a notre élixir qui est en dégustation. Je viens de le déguster, un petit ENA, comme on dit. Oui, un petit ENA. Voilà, je viens de le déguster. Ça veut dire quoi, c'est un petit ENA? Un petit ENA, ben, c'est une petite goutte. Voilà. Quoi, hein. C'est pour faire tourner les jambes dans la deuxième partie. Ah ben, ça donne du tonus pour rouler. Hein. Et notre grande activité, ce sera notre chapitre le 3 septembre, ici à Vielsalmes. Donc, où se rencontrent différentes confréries de toute la Wallonie et de France. Et donc, et où on festoie dans la convivialité. Oui, et en dégustant de bonnes choses. Et évidemment, vous avez le costume couleur myrtille qui vous sied très bien. Voilà le grand maître de la confrérie. Voilà ce qui se passera en détail. Et si vous en voulez d'autres, bon, vous allez sur le site de Vielsalmes, évidemment, vielsalmes.be, sur les festivités des 20 et 21, à la fois le sabbat des maquerelles et la fête de la myrtille. Absolument, Sylvie. Je vous retrouve dans un instant avec deux personnes qui sont un peu plus stressées que les autres. Oui. C'est nos deux candidats du jour. Absolument. Et quand on veut en effet avoir des renseignements, eh bien on se rend aussi directement soit aux offices du tourisme, soit aux maisons représentatives comme la maison du Pays de Salmes qui est située avenue de la Salme, à Vielsalmes. Tout est Salme ici. Si vous souhaitez en connaître bien davantage sur la région traversée aujourd'hui et ses alentours, poussez donc les portes de cette maison. Non seulement vous y dénicherez pléiade d'informations pratiques et d'idées pour poursuivre votre exploration, mais en plus, vous aurez un parcours découverte qui vous entraînera dans les mondes de la géologie, de l'histoire, du folklore, du coin. Donc voilà, pour parfaire votre visite en détail. Musique à suivre dans quelques instants et puis le quiz, comme l'a dit Olivier. À tout de suite. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Avis aux chasseurs de bonnes affaires. Le plus grand choix au meilleur prix, c'est Diffusion Menuiserie. Un sol quick step à 11,95€ le mètre carré. Des portes à prix d'usine. Une terrasse à prix réduit. Ici, les bonnes affaires ne manquent pas. Pour tous vos travaux d'été, faites confiance à un vrai spécialiste du bois. Diffusion Menuiserie. Diffusion Menuiserie à Cour Saint-Étienne et Gosselies. En télé sur la une. Il faut que tu ailles à Sainte-Dame. Quelqu'un a trouvé un cadavre. Et c'est pas parce que t'as trouvé un cadavre par hasard en te baignant que tu dois t'impliquer et te mêler de l'enquête policière. Au secours ! Meurtre à Sainte-Dame, votre nouvelle série. Dimanche soir sur la Une. On aura plein de belles histoires à raconter. Pas d'arrivée sans long voyage, sinon bien d'autres avant nous l'auraient tenté. On caressera les nuages comme la pluie les deltas planes. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu sauras étonné de voir jusqu'où peut nous mener. Le goût de l'aventure, parfois quelques frissons, valent mille blessures. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. On atterrira dans les étoiles, et de là-haut on pourra voir l'homme. Hors de portée des orages, un jour on posera nos bagages et on rira ensemble des galères du passé. On ira aussi haut que nos bras pourront nous porter, même au-delà. Ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu seras étonné de voir jusqu'où on peut nous mener. Le groupe Delta qui était avec nous la semaine dernière à Oupey. Chouette, chouette, chouette rencontre, chouette duo et chouette showcase aussi qu'ils nous ont offert. Donc tout à l'heure, en parlant de showcase, ce sera Dev, ce sera Mister Cover, ce sera Laura Cartesiani avec BG Scott qui est présente aussi, qui nous donneront donc du punch, je pense, pour la fin de journée. Nos showcases en direct à 16h30 ici à Vielsalm avec le soutien de Joker Plus. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Lave-vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Les idées plein la cuisine. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. Avis aux chasseurs de bonnes affaires. Le plus grand choix au meilleur prix, c'est Diffusion Menuiserie. Un sol Quickstep à 11,95€ le mètre carré. Des portes à prix d'usine. Une terrasse à prix réduit. Ici, les bonnes affaires ne manquent pas. Pour tous vos travaux d'été, faites confiance à un vrai spécialiste du bois. Diffusion Menuiserie. Diffusion Menuiserie à Cours-Saint-Étienne et Gosselies. Vive les vacances, Vivacité et Peridaisa vous offrent une belle sortie en famille. Écoutez Vivacité et gagnez vos entrées pour toute la famille. Vous aurez la chance d'aller découvrir, entre autres, les orangs-outans, les koalas, le bébé rhinocéros, mais aussi tout l'univers de Peridaisa. Peridaisa, bien plus qu'un zoo. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Au lac des Doyards pour la halte ravitaillement et comme vous l'avez dit, un peu de stress pour les deux candidats du jour, Olivier. Bah, ils ne m'ont pas l'air bien stressés, hein, toutefois, Sylvie. Alors d'abord, Benoît, bonjour. Bonjour. C'est pas votre première fois au quiz, vous, hein ? Non, c'est pas la première fois, la deuxième, il y a 5 ans, j'ai dit. Il y a 5 ans déjà, ouais. Et vous aviez gagné à l'époque ? J'avais perdu à l'époque. Perdu ? Perdu, et j'avais été repêché. Ah voilà, parce que vous êtes déjà parti à l'aventure avec les beaux héros du Ravel. Exactement, au Congo. Au Congo à l'époque. Benoît, rappelez-nous, vous venez de quelle région ? Je viens de Grand Rang, exactement. C'est la région d'Herculine. La région d'Herculine, et dans la vie, au quotidien, vous faites quoi ? Je fais plein de choses, mais entre autres, je suis infirmier à domicile du côté d'Andernay. Voilà, un infirmier face à quelqu'un qui est du cru. C'est Bruno, sélectionné par le domaine de Farnières, qui nous accueille pour le départ et l'arrivée. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Alors, présentez-vous en quelques mots, Bruno. Alors, moi, je suis le représentant du domaine de Farnières. Alors, j'habite dans le Brabant wallon, mais ici, Farnières, c'est un peu ma deuxième maison, et donc comme ils avaient besoin de quelqu'un pour représenter le centre, et je viens depuis que je suis tout petit, et donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai accepté de représenter le centre de Moscou. Avec peut-être le Luberon pour la fin du mois de septembre en plus, en vue. Qui sait, un beau voyage avec la première échappée belge, c'est ça que vous tentez de gagner chaque samedi avec les candidats qui se présentent, et on sait qu'à la fin de l'après-midi, il n'en reste qu'un, c'est la dure loi du jeu, évidemment, et là c'est le battage de questions qui va arriver, 120 secondes pour tenter de répondre à 17 questions au maximum. Le timing, c'est quand on veut. Ça va être parti pour vous pour la fenaison de questions cet après-midi. Quel est le point culminant de la province de... C'est pour Benoît. Barail de Fréture. Bonne réponse. Combien de villages labellisés les plus beaux villages de France ? C'est pour Bruno. 5. Bonne réponse. Le samedi sur Vivacité, à quelle heure commence l'émission Le Tip Top ? Bruno. 17h. Non. Droit de réponse. 16h. Non. Quel est le vrai nom de Dave ? Le vrai nom de Dave. Son nom civil ? C'est pour personne. Qui est à l'origine de la construction du château de Farnières ? Benoît. Fernand Orban de Xivry. Bonne réponse. Quelle est la cavité qui a été habitée par l'homme dès 60 000 ans avant Jésus-Christ ? Personne apparemment. Quelle est la longueur de la ligne 47A ici à Vielsalm ? Bruno. 23 km. Exactement. À Beaulieu, comment s'appelle le principal ouvrage d'art de la Via Domitia, classé monument historique ? Alors, tout de suite, non, personne. Quel illustre poète et écrivain français est passé par Salm Château ? Benoît. Non, je ne sais pas, pardon. Droit de réponse pour Bruno, tout de suite. Je ne sais pas non plus. C'était Victor Hugo. Sur Vivacité, qui présente en semaine le grand journal de 8 heures ? Sur Vivacité à 8 heures, c'est qui présente des infos ? Personne. À quel saint est dédiée l'église de Vielsalm ? Benoît. Tout de suite. Saint-Jacques de Compostelle. Non, Saint-Jacques. Droit de réponse. Non, c'était Sangangou. Quel est le titre de la biographie publiée cette année par Dave ? Benoît. Une chienne de vie. Bonne réponse. Comment s'appelle la plus illustre des maquerelles de Vielsalm ? Benoît. Tout de suite. Bernadette ? Non. Justine réponse. Gaillard. Non, non. Non, c'est pas ça. Quel est le nom de la colline qui domine Cavaillon ? Personne. De quelle année date la gare de Vielsalm ? La gare de Vielsalm, Benoît. 17. Non. Droit de réponse. 1783. Non, c'était 1886. À la fin du 18e siècle, quel roussillonnais est considéré comme le premier fabricant d'ocre ? Premier fabricant d'ocre à l'époque. Non. Et dernière question, quelle roche naturelle rare trouve-t-on au pays de la Salme ? Benoît. L'arcose ? Non, droit de réponse. Tout de suite, Bruno. La sélite ? Eh non, c'est pas ça, c'était le coticule. Le coticule. Ah, ce fut chaud, mais une nouvelle fois, eh ben, on dirait que vous n'avez pas des masses étudiées avant de venir. Hein. Je ne veux rien dire, mais Benoît, aussi. Allez, en minutes, combien de temps? 3 minutes hier entre deux farnières. Entre deux farnières. Mais Épicuria, il a profité des bonnes choses du coin, Bruno. Vous qui lui a fait découvrir la farnière? Et oui, la bière, on a déjà profité de la région hier soir, et donc je pense qu'il... Donc vous avez zappé le côté bouquin? Non, on l'a pas zappé, on l'a intégré dans le... On l'a intégré. Dans la culture. Je suppose qu'à Farnière, il y a quand même une bibliothèque pour un peu s'enrichir de la culture locale. Il faut dire qu'on n'a pas eu énormément de temps pour préparer ça, et puis voilà. Mais la Farnière est autorisée dans la bibliothèque, c'est ça le problème. Voilà, Sylvie, vous avez l'explication. Et donc, pour les candidats qui vont passer les semaines qui arrivent, s'il vous plaît, révisez un petit peu avant de venir passer votre examen en public. Et est-ce que les supporters ne se sont pas fait beaucoup entendre? On peut les entendre maintenant pour faire baisser la pression. Bruno et Benoît qui attendront votre verdict tout à l'heure, Sylvie, ce sera vers 16h30. Hein. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est vacances pour tout le monde. Année scolaire terminée et voilà, plus d'études. Hein, voilà, on a plus besoin de ça. Ah si, moi je fais du rattrapage. Je fais du rattrapage en plein été. On aurait bien besoin de cours de rattrapage, en effet. Bon voilà, c'était ma petite minute de vérité. Oui. Oui, madame l'institutrice, c'est promis. Dans quelques instants, toujours en direct du lac des Doyards, en écoutant les Bengals avec Manic Monday sur Vivacité. Cet après-midi en direct de Vielsalm, vous êtes Adrien, comme chaque samedi à l'Altravitaillement, avec un chef, le chef de l'étape. Ah oui, et la valeur, on n'attend pas le membre des années parce qu'il est tout jeune. Quel âge, Manu? 34 ans. Ouais, 34 ans. Et vous avez un resto ici qui s'appelle Au Gré des Saisons. Oui, c'est et bien ça. Vous préparez une truite avec justement un produit de la région et de la saison? Oui, de les myrtilles. Donc c'est du mois de juillet au mois de septembre. On a les myrtilles qui sont vraiment dans notre région. Donc voilà, j'ai vraiment pris ce produit-là. En live, quoi, vraiment, voilà. Et on a mis la recette sur la page Facebook du Beau Vélo de Ravel avec une petite vidéo tournée par notre stagiaire Loïc Péchard et on voit comment vous préparez. Alors, l'intitulé exact de la recette, c'est un... C'est un roulé donc, à la myrtille, un roulé de pain de mie à la myrtille avec une truite d'Ondenval, donc une région vraiment à peu près à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et alors, un confit de fenouil, en fait. Un confit de fenouil, un petit bout de carotte dessus. Et un pickles de carotte, oui. C'est bien ça. Et alors, ce fenouil anisé, c'est délicieux. Je vais d'ailleurs demander à Jean-Luc Daniel ce qu'il pense de ce plat. Ce ravitaillement était délicieux, hein, Jean-Luc. Bravo. J'ai pas été, en fait, sustenté à 100%. Mais ça m'oblige à revenir au restaurant prochainement. Voilà, le Gré des Saisons, c'est au centre, au Vieux Marché ? C'est vraiment rue du Vieux Marché, oui. C'est vraiment au centre de Vielsalm, oui. D'accord, ben Sylvie, vous avez l'adresse. Hein. Tout comme à fait. Ça, vous pouvez faire tester cette recette préparée en direct hein, pendant le ravitaillement. Oui. Et nos auditeurs ont pu la goûter. Elle vaut vraiment le détour. C'est très surprenant, la myrtille avec la truite et le pickles. Ah bah oui, c'est ça, vaut le détour, ça vaut le détour. Et tout ça sera à voir, évidemment, demain en télé vers 17h35. Le flash de 15h arrive. Le Beauvélo de Ravel, c'est au Vivacité. Le groupe Kid Noise, c'est du Belge, en concert avec Vivacité dans le cadre du festival Seine-sur-Sambre, les 26, 27, 28 août à l'abbaye d'Aulne, alors qu'ils sont, à mon avis, devant ou en train de passer, ou bientôt devant la fromagerie. Mais oui, vous avec êtes, la banderole de la bande défilée déroulée à ma droite, la fromagerie de Vielsalm. Où on ne fait, Sylvie, que des que fromages passer. Bio. Et je crois que vous avez déjà dégusté en plus. Nous, on déguste, mais c'est pour la côte vers Garonne. C'est pas tellement pour le fromage. Eh bien, essoufflez-vous, voilà. Et moi, je suis en train de déguster. Je suis en train de déguster maintenant, Pierre Lecomte. Vous me faites manger quoi, là, à votre fromagerie biologique de la Salme? Ben, vous venez de déguster du vieux Liège et du fromage de la bande défilée, qui est partenaire de l'organisation pour faire découvrir les bons fromages biologiques wallons. Je ne sais pas me décider, hein, Pierre, donc je prends les deux. Voilà, je prends les deux. Une fromagerie plus que centenaire, la vôtre. La fromagerie est plus que centenaire, mais depuis 15 ans, a été dédiée spécialement à la production de fromages biologiques. Alors, quand on parle de production biologique, ça veut dire que tout est bio, à partir du lait jusqu'à la distribution ? Tout est bio, y compris le sourire de la fermière. Tout est bio, le lait, le processus de production, les ingrédients, la qualité des emballages, la qualité de la distribution. Tout est bio et tout est contrôlé perpétuellement. Aujourd'hui, c'est la mode. On en parle de plus en plus. Mais vous étiez un peu précurseur, un peu beaucoup ? Oui, nous étions précurseurs. Donc depuis 15 ans, nous avons décidé de nous orienter vers la production de fromage biologique avant l'heure. Maintenant, on surfe un peu sur la vague bio. mais c'est un mode de vie et c'est vers une agriculture durable et responsable. Ce fromage a été goûté peut-être par des centaines, des milliers de bouches sans trop le savoir non plus. Vous êtes très présent dans le domaine de la distribution. On est assez présent dans la distribution car nous produisons aussi des fromages bio à la marque de distributeur. Et c'est un petit peu dommage que certains grands distributeurs privilégient leur marque pour un concept bio que par rapport à mettre en avant un producteur particulier. Quel est celui qui a le plus de... Oui, quel est celui qui a le plus de succès ? Actuellement, donc nous, le fromage qui a le plus de succès, c'est le fromage Le Vieux Liège, qui est un fromage typé avec long affinage. Mais nous avons aussi un fromage qui est assez bien coté dans le Brabant wallon, qui est le fromage de Waterloo, parce que notre patron donc, est originaire du Brabant wallon et a voulu aussi faire profiter de l'image de Waterloo pour faire un excellent fromage bio. Et ben voilà, toutes les raisons sont réunies. Je vous conseille le fromage au gingembre, l'Ardenneur. Il paraît que ça aiguise l'appétit. Pack de fromage. Le fromage au gingembre. L'appétit, ouais. Nous avons certains fromages aromatisés aux herbes, dont le gingembre et le basilic. On a présenté aujourd'hui le gingembre parce que le gingembre est un petit peu tonifiant et pour tous ces coureurs en vélo qui ont besoin d'un peu d'énergie, eh ben on a proposé ça aujourd'hui. Oui, pour ne pas que les coureurs aient la migraine ce soir. Vous voyez ce que je crois que je lis entre les lignes, Olivier. Est-ce qu'il y a un petit peu de céleri aussi dedans ? Je n'en sais rien. En tout cas, Adrien, on vous conseille ce fromage pour la fin de l'étape. Est-ce que vous l'avez déjà goûté ce matin, peut-être ? Oui, puisque c'est celui qu'on sert sur les brunchs. Et c'est marrant parce qu'au moment même où on fait cette interview, nous, on passe devant la fromagerie biologique de la Salme ici et ces fromages Jean-Luc, Daniel, il faut les déguster hein, avec un bon pain artisanal, une bonne bière de chez nous. C'est du bonheur, c'est tout simple et bon hein. C'est souvent les meilleures recettes, Adrien. Ouais. Ah là là, altitude, je vois ici, rang 2, 540 mètres. Nous sommes près du toit de la Belgique et ici, l'air est pur. Ce bain de chlorophylle géant nous fait du bien. Les forêts d'Ardennes dans lesquelles nous pédalons. Et chlorophylle, d'ailleurs, Adrien, c'est le nom d'un parc d'attractions, si on peut dire, qui fait la part belle à la forêt, qui est située pas loin d'ici. Hein. Ah, ou Valise. Du côté de Deschamps, oui, sur la hauteur de Manet. Voilà, chez José Burgeon là-bas, pour aller faire le plein aussi de verdure et monter dans la cime des arbres, notamment. C'est une des attractions de la région, ici, à Vielsalm. Profitez pleinement du panorama, autres. Alors. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui sont toujours en bas, c'est-à-dire nous, mais qui profitons aussi d'autres mises en bouche, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est vrai, il y a du monde. Hein, vous allez voir, Olivier, Adrien, vous pensez parfois que toutes les personnes vous accompagnent. Ben, je peux vous dire que non, pas du tout. Il y a vraiment, à mon avis, autant de monde ici en ce moment que vous n'avez derrière vous. Donc, voyez. C'est le fan club de Dev qui est arrivé. Ouais, en peut-être bien. On va doubler les effectifs tout à l'heure. Allez, c'est le temps des écoutez Madonna avec Like Prior, peut-être tout de suite, peut-être dans un instant. En tout cas, merci d'être là en ce samedi après-midi en direct de Liège, en direct de Vielsalm. Vivacité et la foire de Libramont présentent l'agriculture, une question de vie. Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur www.foiredelibramont.com/pétition et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur www.foiredelibramont.com. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des aires, ça se respecte. Une initiative de la Sofico, avec vivacité. À l'occasion des soldes, les tissus du chien vert vous offrent la confection gratuite de vos tentures sur une sélection de plus de 200 tissus. Une confection gratuite et made in Belgium. Les tissus du chien vert à Bruxelles, Waterloo, O'Neill et sur chienvert.com. Ah oui, aux tissus du chien vert, tous nos prix sont conseils compris. Retrouvez nos soldes et conditions sur chienvert.com. Ne laissez pas la monotonie s'installer dans votre cuisine. Moi, c'est la monotonie et j'adore cette cuisine. Même mobilier et frigo depuis 25 ans. D'un ennui. Avec Induscabel, la monotonie n'a plus sa place dans votre cuisine. Oh ben merci. Parce qu'en juillet, Induscabel vous offre jusqu'à moins 60% sur ses cuisines d'expo. Alors, adieu la monotonie. De toute façon, je m'ennuyais. Induscabel, avec vous de A à Z. Jusqu'au 30 juillet, dans nos 4 showrooms, solde jusqu'à moins 60% sur votre cuisine. Infos et conditions sur induscabel.be. La 2 en télé.

tête de diffuser Madonna avec Like a Prayer sur cette terre qui mélange le spirituel à l'épicurien, puisque je vous rappelle que nous sommes ici situés au centre Don Bosco, qui devait être un pavillon de chasse, qui est devenu par donation le siège du centre Don Bosco. C'est le château de Farnières que l'on met en évidence avec ce village implanté ici depuis ce matin, et que vous verrez en images déjà sur la page Facebook, mais aussi demain en télé vers 17h35. Tour de France 2016. Chris Froome, qui mène ce peloton. Ce samedi 16 juillet, 14e étape. 208 km 500 en plaine, entre Montélimar et le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes. C'est aussi un événement évidemment que vous vivez en télé et en radio. Un vent de face qui ralentit les coureurs, me donne-t-on comme information, mon cher Samuel Grulois. Oui, qui leur donne des couleurs aussi, parce qu'il y a du soleil aujourd'hui sur la route du Tour. Je n'apprendrai rien aux ravelistes, évidemment. Vent dans le dos, on vole. Vent de face, eh bien, on galère. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Le fort vent de face ralentit la progression des coureurs et ils arriveront assez tard à Villars-les-Dombes, Parc des Oiseaux. C'est le nom complet du lieu d'arrivée du jour, un peu comme si Pairi d'Aïsa s'associait à la commune de Bruges pour accueillir le Tour de France. Il y a un peu de marketing dans tout ça, mais les sommes demandées par la société organisatrice ASO sont telles que les municipalités doivent parfois s'associer avec des sites touristiques pour pouvoir réunir les fonds, un peu comme hier déjà à Vallon-Pont-d'Arc, caverne du Pont-d'Arc. Je referme la parenthèse, ils sont 4 en tête dans cette 14e étape. Le Suisse de Yam Cycling, Martin Helmiger, l'Américain de Cannondale, Alex House, le Français de la FDJ, Jérémy Roy, qui est à l'initiative de cette échappée. Puis enfin, l'Italien Cesare Benedetti de la Bora Argon Actin. Avance maximum 4 minutes 30, avance actuelle 3 minutes 20. Les 3 petites côtes du jour ont été franchies, le Puy-Saint-Martin, le Four à Chaux et Autorive. En bas de la descente de cette dernière difficulté, nous avons quitté la Drôme pour entrer dans l'Isère, où les coureurs viennent de se ravitailler à beau repère. Plus aucune côte n'est répertoriée avant l'arrivée. Tout profit évidemment pour les équipes de sprinteurs qui vont pouvoir organiser la poursuite dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions pour elles, évidemment. On s'attend à voir travailler les lotos Soudal d'André Greipel, le gorille de Rostock qui fête ses 34 ans ce 16 juillet. Au départ, Jérôme Elguers a demandé au manager des lotos, Marc Sergent, si un gâteau d'anniversaire attendait Greipel, qui n'a toujours pas gagné sur ce Tour de France. Si un gâteau d'anniversaire attendait Greipel derrière la ligne d'arrivée. J'espère. En tout cas, merci beaucoup, Samuel. Aujourd'hui, ça ne va pas changer, mais on espère de gagner. Oui. Est-ce que pour lui, ça change quelque chose, sa journée d'anniversaire? C'est un surplus de motivation, vous pensez? Non, ce que je pense vraiment, c'est un surplus pour lui qu'on a gagné avec De Gendt. Il était aussi dans l'échappée, il a guidé peu Thomas, c'est ça ce qu'il a dit aussi, grâce à André j'ai gagné, donc je pense que c'est un soulagement déjà pour toute l'équipe qu'on a gagné une étape, et la deuxième ça vient, je ne veux pas dire plus facile, mais ça donne moins de stress. Nous sommes à 93 km de l'arrivée, 3 minutes 10 d'avance pour le quatuor Roy, Helmiger, House, Benedetti. Et je vous rends la parole, Sylvie, vous êtes au sprint, je le sens. Excusez-moi. La sprinteuse Sylvie Honoré et la victoire de Sylvie Honoré. Oui, ben voilà. Merci beaucoup, Samuel. On vous retrouve dans le flash de 16h tout à l'heure. Aucun vent de face, Olivier. Vous confirmez, parce que c'est vous qui roulez. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une pète de vent ici, on se trouve. Hein. Non, là, c'est différent. On n'a pas dû avancer le départ pour raison de vent de face sur le beau vélo aujourd'hui. C'est plutôt une chaleur, mais tout à fait supportable et agréable. C'est l'été enfin. Ce sera plus élevé dans les prochains jours, mais c'est un temps idéal pour faire du vélo, surtout dans l'Ardenne, parce que Manu, on le dit depuis tout à l'heure, mais je crois que ça s'entend aussi à la radio, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est juste pour le plaisir de crapahuter cet après-midi. Hein. Ah oui, tout à fait. Et vous voyez, on vient de passer le très beau village de Goronne, construit avec des maisons en pierre de schiste, les pierres de la région, c'est très joli. C'est une pierre foncée, hein, on est dans les nuances de gris en fait. Absolument, c'est très très beau. À la couleur du graphite également. On l'a dit en début d'émission, Sylvie, les pierres, il y en a plein dans la région. Il y a combien de différentes sortes de pierres qu'on exploite ou qu'on n'exploite pas ici? Au niveau minéral, il y a 80 sortes de minéraux différents, dont 3 très, très rares et uniques, le coticule, l'avant satellite, l'autrélite, qu'on ne trouve que dans la région. Et alors, on a exploité l'ardoise dans le temps, qui était très bien connue, l'ardoise de Vielsalm. et au-dessus de Vielsalm à Neuville, l'Arcose, dont le château de Farnières est construit. Voilà, c'est encore une autre pierre, comme quoi on a tous les matériaux sous la main ici, Sylvie, pour construire eh bien, ce patrimoine qui est légion dans la région, puisqu'on en décrit tout à l'heure, et vous en avez un de très beaux exemples juste à côté de vous, qui vous sert de décor pendant qu'on roule. Absolument, absolument. Et où je me sens vraiment bien, et où donc il y a de plus en plus de monde, comme vous l'avez dit, sans doute l'effet d'Ève qui attire, qui sera en showcase tout à l'heure à partir de 17h. Je pense qu'il sera au répertoire. Je pense qu'il sera au répertoire. Avec le soutien Joker Plus, nous aurons aussi le groupe Mister Cover qui reprend les plus grands classiques de ce qu'on connaît, évidemment, dans le monde musical, de Dave aussi. Et puis Laura Cartesiani, la gagnante de The Voice de cette année, avec sa coach et sa marraine, BG Scott. Voilà pour le programme de tout à l'heure. Boulevard Désert, c'est aussi dans vos oreilles avec Emmène-moi. Emmène-moi. Comme un grain de sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Je suis comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. Comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme empli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Boulevard Désert avec Emmène-moi, c'est un petit peu notre mission. Hein. À chacune de nos étapes, on a envie de vous emmener découvrir ce que vous connaissez malgré tout déjà un peu, mais que vous souhaitez connaître un peu plus. C'est comme ça que si vous ne venez pas nous rejoindre, eh bien vous suivez, j'espère, malgré tout, fidèlement, les anecdotes, les événements qu'on vous raconte, les rencontres aussi qu'on fait tout au long d'un parcours. Je pense, Adrien, que vous avez un champion de BMX à vos côtés. Oui, oui, vous le reconnaissez, Jean-Luc Daniel, ce champion qui a fait les Jeux Olympiques ? Ah, je le reconnais effectivement parce que j'ai suivi un peu sa carrière et je peux même vous dire, son papa, on est amis, on roule souvent ensemble, mais plutôt dans le sport mécanique. Voilà, Arnaud Dubois. Alors, c'est comique parce qu'on fait l'interview d'Arnaud, au lieu dit la gueule du bois. Tu as vu ça, Arnaud, hein? C'est mes cousins qui habitent ici. Oui, ça. Alors, la gueule du bois, c'est un guet. On ne s'est pas cassé la gueule, mais ça descend quand même très fort. On a traversé la rivière, on a continué. Là, vous l'entendez, à notre souffle un peu plus court, ça monte. Arnaud, vous faites tout ça sur un mini vélo. C'est un vélo de BMX? C'est mon BMX, oui, voilà. Bah, je m'en sépare jamais. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, de venir explorer un peu la région. J'ai un BMX. Alors, voilà. Me dites pas que vous avez fait les Jeux Olympiques de Londres avec ce vélo-là. C'était le même, ouais, le même modèle. Donc je passe de Londres à ici, la région d'Yelsalm, donc c'est excellent. De Londres à la lumière. Pas mal. Arnaud, vous avez été, on va pas s'étendre trop sur votre palmarès, mais quand même champion de Belgique, champion d'Europe, et aujourd'hui, ben, vous voulez transmettre. Ben voilà, exactement. Donc c'est vrai que grâce justement aux Jeux, etc., on a bien parlé du sport, et je me dis c'est l'occasion vraiment de pouvoir transmettre ma passion. D'où la piste ici, donc à la baraque, les nouvelles infrastructures, et alors pouvoir proposer aux jeunes de s'essayer, de se donner un avis sur la discipline. Ouais, je me suis toujours demandé, BMX, ça veut dire quoi les initiales? Alors en fait, ça vient de l'abréviation de Bicycle Motocross. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok, parce que c'est vrai, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est du cross à vélo avec un vélo minuscule et on fait des courbettes et des incroyables. Il n'y a même pas de vitesse sur le vélo? Ah non, un plateau, un frein en général. Le vélo a sa plus simple expression, c'est avec ça qu'on s'envole. Ouais, mais le frein, vous en servez jamais, vous? Non, le frein, c'est pour les tricheurs. C'est comme la selle, d'ailleurs. Celui qui freine est un lâche, en fait. Exactement, voilà, donc on essaie d'éviter. Oui, et on a mis, d'ailleurs, sur la page Facebook du Beau Vélo, une petite vidéo qu'on a tournée ensemble ce matin, où vous passez au-dessus de moi, vous sautez, mais vous pourriez en empiler 4 ou 5 comme moi. Hein. Oui, mais comme vous, facilement. Hein. Avec ma carrure de... Voilà, voilà. De sandwich. On fera les tests en rentrant, on va essayer de faire le record. D'accord. Arnaud Dubois, la piste BMX est à Baraque Fréture. Elle est en pleine construction hein, pour l'instant. Avec les inondations, vous n'avez pas été aidé, on va dire. Et voilà, malheureusement, on a été un peu retardé donc, à cause de ça. Maintenant, le site est en train de prendre forme. Donc, la piste de ski qui marche super bien l'hiver, bah, ici, le but, c'est de redynamiser ça. Pour toute l'année, quoi. Et on peut utiliser le télésiège pour accrocher son vélo. Exactement, donc il y a une piste de descente, donc on prend le tire-fesse et on peut remonter, donc sans excellent. Fatiguer. Ah, voilà. Et il y a trois pistes différentes avec, en fait, comme à ski, donc de la plus facile à la plus difficile. Bah, je sais où on doit faire le prochain beau vélo, Olivier. Oui, Marc de Fréture, comme ça on ne sait que descendre, vers la roche par exemple, pourquoi pas. Je suis en train de regarder le BMX d'Arnaud, il n'y a pas de torpedo, moi j'avais un torpedo quand j'étais gamin sur mon BMX. Ouais, oui, c'était il y a longtemps ça. Ah, c'est pas le même. Ouais. Adrien, on va peut-être demander à Manu qui est derrière moi si ça va encore monter longtemps, parce que là on est en... Oui, faut être plus petit. Dans un tiers. Avec les vitesses qui ont du mal à passer, Sylvie, les vélos qui souffrent, les corps également. Nous voyons des ravelistes qui s'arrêtent sur le bord de la route. Nous allons pousser pourtant notre effort un peu plus loin pour tenter de ne pas mettre le pied à terre alors que les motards sont obligés de le faire à notre gauche. C'est du direct, Sylvie. Ouais. Nous sommes à Vielsalm dans la Haute Ardenne. On dirait Fromme au Mont Ventoux. Ouais. Bon moment qu'on partage avec nos auditeurs. Allez, madame, on monte. Je n'en peux plus. On pousse. Allez, ma petite dame, on pousse. On essaye. Allez. On a vraiment les images devant les yeux. Hein. Merci à tous les deux. De commenter aussi bien finalement l'effort, mais viendra bientôt le réconfort, comme on vous le dit souvent chaque samedi, avec du monde. Il va falloir vous frayer un chemin pour arriver jusqu'au studio et jusqu'à la scène où se produiront encore une fois les showcases de tout à l'heure. Annecy, là, dans quelques instants, ne bougez pas. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Tu vois bien que c'est pas pour nous, il n'y a pas un seul meuble en kit, il livre et il monte. Oui, mais enfin, on peut jeter un petit coup d'œil quand même. Non, c'est beaucoup trop chic, je te dis. Regarde-moi cette salle à manger, ça doit coûter une fortune. Bah non, je pense pas. Regarde le prix. C'est pas possible. Ça doit être le numéro de référence. Non. Hein? Ce sont les soldes chez Sélection Meubles à Mougy. 13 000 mètres carrés de meubles en ambiance vous attendent. Avec les conseils de professionnels, un service de livraison et de montage gratuit et des soldes durant tout ce mois de juillet. À 15 km de Tournai, Sélection Meubles à Mougy Mont-de-l'Enclus. Un jour ou l'autre, vous y viendrez. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Est-ce que vous allez bien? bons festivals cet été. Mais gardez votre voix pour The Voice. Les auditions continuent. Inscrivez-vous, vous ou un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. Ce sont les soldes dans vos magasins au coin du feu. Votre spécialiste en poêlerie, chauffage, ventilation et création de cheminées. Bénéficiez de conseils de qualité et faites de votre intérieur un endroit confortable et chaleureux. Profitez de nos conditions exceptionnelles durant les soldes à Aix-Saint-Pierre, Soigny, Wamuel et Anderlu. Plus d'infos sur acbf.be. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Il faudrait que j'arrête de dire que je vais arrêter. Il faudrait que je permette au vide de venir m'habiter. Il faudrait que j'apprenne à compter combien de fois j'ai dit qu'il n'y avait plus rien. Et combien de fois je me suis menti. Le monde tourne sans toi. Et plus je joue, plus je perds. Je voudrais tellement tomber par terre. Tomber par terre. Il faudrait que ta bouche sois pas mon unique raison et que beauté en touche ne sois pas ma seule réaction. Il faudrait que j'inonde de sombres couleurs tes souvenirs et que je dise à tout le monde que t'es plus là, mais je sais pas le dire. Il faudrait que je revienne quand je pars m'égarer dans tes draps et que je me souvienne avoir envie de toi. Il faudrait que je trace les routes que j'ai jamais osées. Il faudrait que j'efface toutes celles qu'on avait dessinées. Le monde tourne sans toi et plus je joue. Yeah. Priscilla, elle sera en concert avec Vivacité au Brussels Summer Festival dans le cadre de la soirée à la française. Le 11 août, Le Monde Tourne Sans Toi, c'est sa chanson. Alors, c'est vrai que c'est une nouveauté, c'est tout nouveau, tout chaud. La Nuit du Ravel, événement familial à vélo qui propose cette balade en boucle de Namur à Namur avec des étapes dans différentes attractions touristiques. On y approche, Adrien, puisque c'est dans quelques jours. Oui, ce sera mardi, mercredi, on installe et puis on pédale la nuit de mercredi à jeudi. Ce sera pour la fête nationale, Francis Hubin. Oui, Adrien, la nuit du Ravel, on peut encore s'y inscrire sur un site nuitduravel.be et il y a deux packages, donc on peut faire seulement la première partie jusqu'au concert du Grand Jojo à Fos-la-Ville ou l'entièreté de la nuit, la boucle complète, c'est presque entièrement sur le Ravel, donc ça va de Namur, Fos-la-Ville, direction Abbaye de Maretsou ou Épion et retour à Namur le matin pour le petit déjeuner dans le cadre des 20 ans des chemins du rail. Et on sera là tous les deux, Adrien. Oui, tous les deux sur des tandems. J'aurai la chance de pédaler avec Julie Vanache, une des voix, un des visages de Vivacité aussi. Et vous serez, vous, avec une des voix, des visages de Chemin du Rail. Exactement, je serai là-bas pour faire l'ensemble de la balade. Et alors, par rapport à ce que Francis Hubin vient de nous dire, donc plus de place pour l'ensemble de la balade, c'est désormais complet. Par contre, il reste des packs famille. Et ce que me précisait tout à l'heure Georges Watelet, c'est que famille, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit venir avec des enfants. Si on veut venir en couple, on peut s'inscrire également pour cette formule famille et être des nôtres, donc mercredi soir au départ de Namur vers Floref. Un petit mot, alors là on fait un tour dans la cour d'honneur. La cour d'honneur pratiquement de ce magnifique lieu où vous habitez, vous Manu, hein, c'est votre lieu de vie ici. Oui, c'est mon lieu de vie depuis 26 ans. Oui. Vous avez combien de frères qui vivent ici à vos côtés? Alors nous sommes 6 Salésiens. Oui. Et puis il y a une équipe après de 12-13 laïcs qui travaillent avec nous. Et qui font de l'animation ici. Et beaucoup de bénévoles aussi qui viennent nous aider. Quand on parle d'animation, il y a notamment le camp des patros de Verviers qui sont là pour le moment. Oui, il y a également des choses qu'on ne croit pas trouver dans ce type de lieu, comme de l'acrobranche notamment. C'est ça, nous avons un partenaire, Ave Nature, qui a créé un style d'acrobranche, un disco-golf, qui fait des jeux de rôle grandeur nature et des tas d'autres animations très intéressantes. Ouais, alors on fait plein de retrouvailles, Olivier, sur le beau vélo. C'est incroyable. Le commandant de Neve, celui qui a animé les émissions de sécurité. Non. Sur les antennes de la RTBF. Bonjour Adrien, comment on va? Ça faisait longtemps. Super, impeccable, ça fait très très longtemps. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur la RTBF. Vous êtes ici avec une casquette de service. Vous étiez là pour encadrer le peloton. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très très bien, l'esprit très convivial. Les policiers étaient sur l'itinéraire, on était là pour vous encadrer. Je crois qu'il n'y a pas eu d'accident, pas d'incident, donc tout est parfait. Impeccable. Est-ce qu'on a une idée du nombre de participants? Je peux vous dire qu'il y avait énormément de participants pour la simple et bonne raison, c'est qu'à certains carrefours, on a dû les garder fermés très très longtemps. Et on remercie les automobilistes pour leur patience. Et il n'y a pas eu d'embardé cet après-midi. Bardaf. Ah, allez, on va vous le faire. Allez-y. Bardaf. C'est l'embardé. Ah, l'original. Bravo les coordonnées. Beaucoup d'humour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et on remercie aussi les forces de l'ordre, les signaleurs, toutes les personnes aussi qui encadrent la Croix-Rouge pour la sécurité. On s'amuse, mais derrière ça, il y a des gens qui bossent. Hein. Exactement. Et nous, on va encore bosser un petit peu parce qu'on a plein de choses. Et notamment, nous faire déguster des bonnes choses de nos maîtres boulangers pâtissiers dans quelques minutes, Adrien. À l'arrivée, ça sent la tarte ou myrtille, je sais pas. Ouais, elle est délicieuse. Sans ajout de sucre, hein. C'est comme ça, parce nickel. Que je suis en train, messieurs, de regarder sur Internet quelques informations à propos de Dev. Apparemment, c'est quelqu'un qui fait son pain une fois par semaine. Ah ben voilà. Ouais, donc ça, je me demandais, c'est toujours d'actualité puisque l'interview date d'il y a quelques années, on va dire. Mais voilà, puisque vous parlez des maîtres boulangers-pâtissiers, lui demander s'il fait encore son pain toutes les semaines. En tout cas, il aime cuisiner, ça c'est sûr. C'est un fou de cuisine. Allez, à dans quelques instants avec le Tour de France. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. En télé sur la Une. Il faut que tu ailles à Sandam. Quelqu'un a trouvé un cadavre. Et c'est pas parce que t'as trouvé un cadavre par hasard en te baignant que tu dois t'impliquer et te mêler de l'enquête policière. Au secours ! Meurtre à Sandam, votre nouvelle série. Dimanche soir sur la Une. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watteau. À l'achat des peintures Sigma, recevez une entrée gratuite pour Peridaïsa. Watteau à Tournai, Mons, La Louvière, Charleroi, voir conditions en magasin. Elle est pas belle la vie ? Chez Bricoplanit, ce samedi 16 juillet, moins 25% sur toute la peinture. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Tour de France 2016. Ce samedi 16 juillet, 14e étape, 208 km 500 en plaine entre Montélimar et le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Oui, avant le parc des oiseaux, encore quelques événements à nous compter, mon cher Samuel. Vous êtes à 80 km de l'arrivée, je pense. Effectivement, l'arrivée au parc des oiseaux, à ne pas confondre avec l'île aux oiseaux dans le bassin d'Arcachon, l'île aux oiseaux immortalisée dans la fameuse chanson de Pascal Obispo. Tombé pour elle, souvenez-vous, je suis tombé pour elle, je n'ai Dieu que pour elle, ma maison, ma tour Eiffel, quand mes amours prennent l'eau, l'île aux oiseaux. Mais que c'est beau, voilà pour le petit brin de poésie du jour, ma chère Sylvie. Oui, je suis en forme, le soleil me donne des ailes. Retour à la course avec toujours le même quatuor en tête. Voici sa composition, quelques infos biographiques. Il y a d'abord Jérémy Roy, ce Français de 33 ans qui porte le maillot de la FDJ. Il est ingénieur de formation, il a donc la tête et les jambes, ce garçon, Jérémy Roy. Avec lui, Alex House, cet Américain de 28 ans, originaire de Denver, l'homme du Colorado pour l'équipe Cannondale. Cesare Benedetti est l'Italien de service. Les Italiens qui n'ont toujours gagné, comme les Français d'ailleurs, comme les Américains, aucune étape sur ce Tour de France 2016. Cesare Benedetti avec le maillot de l'équipe Bora Argon Achtin, pour être précis, sixième du Babi Giro en 2009, le Tour d'Italie pour les jeunes, mais il n'a jamais vraiment confirmé par la suite. Et puis enfin, le Suisse Martin Helmiger, bientôt 38 ans avec le maillot de l'équipe Yam. C'est l'un des papis du peloton. Il est né en 1978. Je vous avoue, il est né la même année que moi et j'ai donc beaucoup de considération pour l'expérience de ce garçon sur le Tour de France. 79 km 500 de l'arrivée pour être précis et 3 minutes 26 d'avance pour être également précis pour ses 4 hommes de tête sur le peloton. Nous sommes à Aisin, à Pinet et le peloton ne rigole plus. Il a décidé d'embrayer avec plusieurs équipes de sprinteurs, Lotto, Etix, Dimension Data, pour donner la mesure en tête du peloton. Le peloton qui est peut-être au courant de cette statistique étonnante. Les trois dernières échappées auxquelles Jérémy Roy a participé sur le Tour de France ont été au bout. On se souvient notamment de Lourdes en 2011. Quelle étape, lorsque le champion du monde, Uchoft, avait justement devancé Jérémy Roy. Enfin, Sylvie, je me permets, puisque vous aurez tout à l'heure à vos côtés la gagnante de The Voice, Laura Cartesiani. Oui. Eh bien, moi, j'ai à mes côtés, pendant 3 semaines sur le Tour de France, un ingénieur du son que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Denis Piron. Et Denis Piron, c'est le guitariste et le boss, le Bruce Springsteen finalement, des Blue Caps, un groupe bien connu dans la région de Clabec. Et qui était jusque l'an dernier la chanteuse des Blue Caps? Qui? Eh bien Laura Cartesiani, qui a donc lancé sa carrière dans le célébrissime groupe Les Blue Caps. Et je peux vous assurer que Denis Piron, avec nous, on est très fiers et qu'il nous en parle souvent pendant le Tour de France. Il remet son bonjour évidemment à Laura. Mais vous savez rebondir sur tout. Nous, dans quelques minutes, mon cher Samuel, nous allons recevoir Dave. Est-ce que vous avez une anecdote par rapport à Dave? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui par rapport à Dave? Je l'ai rencontré lui un jour dans un hôtel à Liège. Vrai de vrai, ouais. Je couvrais la Coupe du Monde de tennis de table. Et qu'est-ce qui s'est passé? Organisé à Liège. Strictement rien, on s'est dit bonjour et j'ai été très surpris de me retrouver nez à nez à la réception avec Dave. Lui ne s'en souvient sans doute pas, mais j'ai eu un moment d'hésitation. C'est lui, c'est bien lui. Eh bien, c'était bien lui. Voilà. Eh bien, je lui demanderai dans quelques instants, d'accord? Mais je me réserve de... Franchement, de vous dire sa réponse. Voilà. Et ma grande timidité m'a empêché de lui parler. On vous retrouve tout à l'heure à 16h, évidemment, pour suivre tout ça en direct. Évidemment, une chanson qui ne laisse personne indifférent. Et là, j'ai quand même la chance de la fredonner en compagnie de Dev, qui connaît aussi les paroles de cette chanson. Eh, oui. Et puis, le sujet à mon âge, évidemment, mon concert, I can get no satisfaction, c'est tout à fait pour moi. Ça, c'est sûr, on pourrait faire l'interview que sur cette phrase, à mon avis. Hein. Avec vous, c'est parti. Ce qui est fou, c'est que je viens de vous demander, Dev, vous étiez là quand on m'a dit directement l'année dernière. Et c'était faux. Eh bien, apparemment, oui, Catherine Puisel qui vous a fait venir, me dit, mais non, c'était il y a 3-4 ans. Moi, j'ai l'impression que je suis là tous les ans, parce que c'est la quatrième, cinquième fois. Et là, je sais qu'on est en train de... J'ai demandé des divas, j'ai demandé des frites, et après que je vais en avoir. Donc, c'est formidable. Des frites c'est bizarre. Hein. Oula, aussitôt que je passe la frontière, j'ai envie des frites. Vous allez faire des jaloux. Je viens de vous montrer la liste des beaux vélos de Ravel, en vous disant, est-ce qu'il y a des villes que vous connaissez plus que d'autres? J'en connais pas mal. C'est la première fois que je vais chanter à Vielsalm. Ouais. Donc, je suis ravi, parce que c'est bien à 72 ans de faire les choses pour la première fois. Peux faire un vœu. Mais évidemment, je connais par cœur. Il y a des villes où j'ai évidemment Namur, chanté. Liège, des villes où j'ai chanté. Bruxelles, évidemment, aussi. Mais aussi Nivelles. Je connais pas mal les Ardennes. Vous savez, les Ardennes, c'est les premiers... Quand on va pour la première fois à l'étranger, quand on est comme moi, néerlandais, souvent on va dans les Ardennes en vélo. Oui, c'est vrai. Les premières vacances, c'est aux Ardennes. Ah, ben oui. On est tout content d'aller loin, comme ça semble. Très loin, quand on est né comme moi à Amsterdam. Ouais, je me souviens qu'on en a déjà parlé lors d'interviews, bien sûr, de votre passion malgré tout pour le vélo, de vous avez un petit peu ça dans les veines aussi. Oui. Cet été-ci, vous et la Belgique, il y a eu des allers-retours ou bien... Imaginez-vous que cette année, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Et tous ceux qui ont des chiens connaissent le problème. J'ai une chienne qui n'est pas vieille, mais qui, quand elle était toute petite, le veto m'a dit qu'elle avait un souffle au cœur. Et on dit, ah bon, on ne sait pas ce que c'est. Mais maintenant qu'elle a 11 ans, ce souffle au cœur est devenu un vrai problème valvulaire. Mmh. Et l'été, moi, j'ai une maison du côté d'Avignon. Et il fait vraiment trop chaud. J'en viens, il fait 35 à l'ombre. Uh-huh. Et donc, j'ai loué une maison pas loin d'Amsterdam. Ah, d'accord. Et donc, j'ai évidemment quand même des concerts cet été. Mmh. Donc, c'est un peu plus compliqué d'aller d'Amsterdam. J'en ai une, je sais, dans l'Hainaut à un moment. Mais les jours avant, je suis dans le Var. Enfin, mais c'est la vie de chanteur, je m'en plains pas. Hein. Ben non, ça j'imagine. J'ai envie de connaître un peu plus aussi la vie de Dev au quotidien. Je viens de voir, parce que ici, je ne sais pas si vous êtes allé faire un petit tour, mais on a tous des producteurs locaux qui font déguster de la bière, du vin, des fromages, du pain. Et donc, B.G. Scott est l'ambassadrice aujourd'hui des maîtres boulangers-pâtissiers. Je viens de lire dans une interview qui vous est consacrée, bon, elle date d'il y a quelques années, que vous faites la cuisine à merveille, que c'est une de vos passions. C'est vrai. Ouais, et que vous faites votre pain vous-même. Absolument. C'est toujours vrai alors. C'est toujours vrai. Il faut vraiment que je suis vraiment débordé par le boulot pour que je fasse pas au moins une fois par semaine mon pain. J'adore le pain. Et j'adore le faire. Et qu'on peut venir à l'improviste chez vous, il y aura toujours quelque chose à manger. Oui. Peut-être pas dans la maison. Je suis paumé dans les Vaucluses, mais vraiment paumé pour pouvoir respirer. Oui, parce que sinon, je me fais. Ma fierté, c'est d'être toujours disponible. Bon exemple, c'est Annie Cordy, la baronne. Oui, parce que j'ai tourné avec elle à la fin de. Non, au milieu des années 70. Et j'ai vu cette incroyable disponibilité jusqu'au dernier client. Jusqu'aux dernières personnes qui est venue la voir, et je dis, je vais être comme elle. Et donc, ça, mais c'est vrai que quand je suis chez moi, perdu au milieu de nulle part, là, je vais bien avoir la paix. Donc c'est vrai, alors. Ouais. Et que votre cuisine est semi-professionnelle, ça aussi. Disons que c'est bien outillé. Ouais. Avec des appareillages dernier cri, ou bien vous restez un peu à l'ancienne? Oui, non, mais par exemple, je me sers beaucoup de la cocotte minute. Ah ouais. Ça fait une économie. Donc, on gagne carrément 20 minutes sur une heure, 20% et puis on fait des bonnes choses, mais évidemment, mon pain, je ne le fais pas dans un cocotte-minute, encore que quand je naviguais, parce que j'ai navigué, on peut faire le pain dans un cocotte-minute. Oh là là là. Je peux vous donner un set de pain, mais on n'a peut-être pas tout à fait le temps. Adrien, est-ce que vous êtes loin de nous, Adrien? Je m'en voudrais quand même de ne pas vous donner la parole par rapport à Dev. Mais parce qu'on va rebondir sur ce que vous racontiez avec ce pain, parce que B.J. Scott, chez qui je m'arrête ici avec un petit ravitaillement, est justement l'ambassadrice des maîtres boulangers et pâtissiers de Wallonie. Oh yes, moi, avec mon accent et tout. Je suis très fière. Oui, et vous alliez à la fois les fromages de chez nous, le pain de chez nous et la bière de chez nous. Oui, l'artisanat en Belgique est d'une top qualité, alors ça me fait vraiment plaisir de faire partie de ça. J'adore ce qui est vrai, chérie. Oui, les bons pour dire. Yeah. Alors, c'est très comique, vous avez une espèce de pins sur... votre chemise Beau Vélo de Ravel, il est marqué Born to Ravel. Ah non, Born to Travel. Born to Travel, mais ça peut être une bonne idée pour l'avenir. Born to Ravel, c'est pas mal. c'est aussi c'est une action c'est belge pour accueillir les étudiants de l'étranger ici en Belgique et leur montrer notre culture qui est si riche. Je dis notre, c'est vraiment, je me sens très belge aujourd'hui. Voilà, vous êtes devenu belge, c'est bien. Comme Dave est devenu français, vous êtes devenu. Voilà, Ah non, il n'est pas d'accord. Bah, il est européen, c'est ça, citoyen d'Europe. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien. Je peux dire bonjour à Madame Scott. Ah oui, Badge Scott, elle vous dit bonjour. Vous pouvez la saluer en direct, Dave. Hey, baby. Hey, Dave. Hey, you remember me from Ilse Lasserg, I hope. Oh, hell yeah, man. How are you doing? You know, I'm the husband of Patrick Loiseau. Yes, I do know that. Et je suis content que tu te souviennes de moi. Ça me fait plaisir, Dave. Of course I do, of course I do. Oh, je vais t'embrasser tout à l'heure, hein, mec. Bon, et plus si affinité. Ok, thank you, Dave. On a un peu l'impression de faire le Beau Vélo sur la BBC, là, du coup. C'est ça, c'est la réunion de tous les amis. Et puis, il y a Olivier Coll qui est dans les parages aussi, Oli. Ben oui, moi, je suis à proximité du parking vélo. Vous savez qu'on a des barrières Nadar qui, on se demande un peu au début de l'après-midi à quoi elles servent. On comprend vite au retour de la balade que c'est un grand parking à vélo. Et je vais aller prendre le son de cloche rapidement d'un ou l'autre participant. Alors, juste sur l'état de la balade, c'était comment aujourd'hui ? Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien, mais la flaque d'eau, je n'ai pas apprécié. Ah, le passage à gué. Pas trop dur quand même ? Quand même un peu, oui. Je vois que vous êtes un tout petit peu rouge. Je suis un peu essoufflé, oui. Alors, il faut faire quelques pas, Adrien, je vous le conseille aussi. Voilà. Et pour ne pas s'arrêter brutalement après l'effort, vous continuez à faire une petite balade à pied cette fois. Et c'était un peu pentu, donc on a l'impression d'être un peu en lévitation en quand on marche. C'est peut-être l'effet du domaine de Fragnières et, oui. Et de ce côté des frères et des sœurs qui nous entourent ici. À mon avis, ça doit être ça. Oui, le pain béni de ce domaine de Fragnières. Ben, dernière. Qui se termine, hein. Ouais, ouais. Ça se termine notre étape ici. Ligne droite de cette émission. On refera quelques petits coucous dans les Tours de France tout à l'heure. Oui. Sinon, on se retrouvera à Nivelles la semaine évidemment. Prochaine. Et oui, et la nuit du Ravel à Namur, n'oubliez pas, mercredi soir. Oui. De toute façon, merci messieurs, merci Dave. C'est un plaisir, toujours un plaisir. On continue cette petite papote aux antennes, hein, comme ça on peut aller jusqu'au fond des choses. Bonne proposition, acceptée. D'accord. Dans quelques instants, c'est le flash de 16h et puis émission Tour de France en direct. Bien entendu, merci de nous avoir suivis. À 16h30, 17h30, on vous donnera encore des nouvelles et à la semaine prochaine, en effet, en direct de Nivelles. Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.